Concrétiser l'esprit dans la matière, voici un enregistrement où il y aura Olivier ainsi que moi-même que nous allons parler. Pour débuter cet enregistrement, dans un premier temps, je voulais remercier Olivier qui, il y a quelques jours, m'a amené à aller plus loin dans mon entraînement physique, plus particulièrement sur le tapis. Puis je pense que ça peut être intéressant d'aborder ça là, en commençant pour voir comment qu'on peut investir de conscience concrètement la matière, c'est-à-dire à travers l'entraînement physique, là. Donc, Ben, c'est oui. pas d'investir concrètement la matière de conscience, c'est de comprendre que dans la matière, c'est de la conscience. Fait que le corps physique, c'est le véhicule. T'sais, on peut parler de conscience, lire des livres, avoir plein d'idées, plein de canalisations intelligentes au niveau de la parole, mais c'est vraiment quand on va le faire directement dans le physique qu'on va pouvoir avoir une mesure vibratoire de où est-ce qu'on est rendu. Parce que si on dit qu'on est un être libre, mais qu'on a de la misère à monter des escaliers sans être essoufflé, il n'y a pas beaucoup de liberté au niveau du matériel. Donc, essentiellement, l'esprit étant absolu, il est supposé avoir de la liberté à tous les niveaux, toujours en respectant la nature de la programmation, bien sûr. Mais il n'y a rien qui empêche aux gens qui sont dans l'intégration de cette nouvelle conscience-là d'exploiter justement l'énergie cosmique, puis de la faire passer à travers le corps, puis de voir comment que c'est concret, puis c'est mesurable. À quel point ça met en puissance l'individu pour passer à travers justement des obstacles de vie ou bien d'être capable de passer des bouts plus difficiles avec moins, puis d'avoir la résilience nécessaire pour passer au travers. Puis je pense que c'est vraiment un corps physique qui est bien entraîné pour des raisons d'intelligence et non des raisons d'esthétique ou de confiance en soi, quoique ça commence des fois par là. Ça devient un véhicule pour exprimer justement cette nouvelle conscience-là dans le matériel, à travers la parole, puis à travers l'action. Oui, exactement. Et c'est sûr que moi, je voulais aborder dans un premier temps avec toi l'expérience que tu m'as amené à vivre, dans le sens que tu m'as amené à faire du tapis, donc du tapis roulant, puis d'aller au-delà de l'inconfort physique pour dépasser un seuil. Donc, Ouais. je voudrais que tu élabores un petit peu plus là-dessus. Ben, dans le fond, là, ce qui est important de savoir, c'est que dans la nature même des choses, tout travaille sans effort. Puis quand on pousse l'individu dans l'effort, ce qu'on essaye de faire, c'est de casser toutes les structures de résistance que l'ego peut avoir par rapport à son corps puis par rapport à son mental pour démontrer que lorsque le corps subit aucune interférence au niveau de la réflexion, au niveau de l'émotion, il est capable de dépasser des caps de performance qui, au préalable, n'étaient pas possibles. Puis, ça prend malheureusement un initiateur pour amener la personne à vivre ça parce que l'ego, il n'a pas tendance à vouloir souffrir volontairement à cette intensité-là sans la pression d'un autre ego. Fait qu'il y en a que c'est Ben, attends une dans minute. un. L'initiateur, ça peut être une Laisse-moi autre finir. personne, mais ça peut être le propre esprit de la personne qui, par la force des choses, crée des événements oppositionnels. Ouais, mais au niveau de l'exercice physique, il faut que tu te fasses, faut que tu aies toujours un adversaire de plus grand que toi, plus fort que toi. Faut que tu sois testé. Et t'as pas le choix parce que sinon, comme je te dis, l'ego, c'est inerte. Ça n'a pas tendance à vouloir dépasser ses limites par lui-même. C'est quand il est mis en opposition qu'il peut vérifier vraiment que là, il a atteint sa limite. Comme toi, quand tu étais sur le tapis roulant. Oui. Ah, oh là, je suis plus capable, là, je vais vomir. Puis, tu sais, tu vois que c'est toute l'astral qui essaye de polluer l'ego pour l'empêcher d'aller au-delà. Mais, tu sais, naturellement, toi, ta tendance, ça va aller vers l'évitement. Fait que j'étais obligé de te mettre en pression puis de te laisser là pour te démontrer. Mais, naturellement, tu ne l'aurais pas fait seul. C'est pour ça que ça prend quelqu'un ou quelque chose qui va tranquillement pousser les limites. De façon intelligente, tu sais, parce que le problème essentiellement avec l'exercice, c'est que les gens, c'est rien ou tout. Fait que quand on fonctionne dans les deux extrêmes comme ça, c'est très difficile de construire des fondations puis de développer de la performance qui est réelle puis qui dure sur le long terme. Je Oui, pense que c'est vraiment exactement, nécessaire. mais pour en revenir à mon expérience que j'ai vécue par rapport à toi, avant de passer à autre chose, c'est que tu m'as amené à faire du tapis pendant plusieurs minutes, tu sais, à une vitesse, à, mettons, à 8,5 km, un rythme moyen, puis à un moment donné, il y a des pics d'accélération en alternance, puis à un moment donné, on réduit la vitesse pendant 20 minutes de temps. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, peut-être après 10 minutes, à un moment donné, j'aurais arrêté, puis je commençais à avoir le goût de vomir, je transpirais beaucoup. Mais tu m'as botté le derrière, pour pas dire d'autre chose, pour m'amener à continuer. Oui, ben c'est ça. Ben c'est parce que j'ai anéanti toute faiblesse que tu pouvais me présenter en montrant aucune sympathie. Je me sentais pas mal pour toi. J'étais très, très, très présent à ton état physique réel pour être capable de voir que s'il y a vraiment un danger, il faut arrêter, puis je vais être capable de l'arrêter au bon moment. Mais en même temps, je voyais pas que ton corps, il y avait des problématiques. Je voyais que c'était ton mental qui disait non, non, non, non, non. Mais le corps, il disait oui. Fait que je voulais juste, moi, t'amener à toujours revenir au corps. Parce que quand ton corps, il devient inconfortable comme ça, éventuellement, ce qui arrive, c'est que tu viens à vivre un état de souffrance qui est tellement grand qu'il y a quelque chose qui override. Puis le quelque chose qui override, bon, pas dans le cas de tout le monde, mais dans mon cas, c'est l'esprit. Puis l'esprit, quand il override, c'est comme si tu deviens à l'extérieur de ton véhicule qui est ton corps physique. Puis c'est toi qui le contrôle. Puis toutes les sensations désagréables, aussi désagréables qu'ils peuvent être, le manque de souffle, les jambes qui brûlent, le dos qui brûle, n'importe quoi qui brûle, tu l'absorbes au lieu de le résister. Donc, au lieu de perdre l'énergie, tu gagnes en énergie, tu gagnes en puissance. Puis éventuellement, quand le corps y a atteint son seuil, bien là, tu le reposes. Donc, en laissant la puissance de l'énergie qui passe dans le système nerveux s'exprimer, donc sortir, après, quand tu te reposes, ta puissance revient tranquillement, puis se reconstruit plus grande qu'elle était auparavant. L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui font de l'exercice qui sont très, très performants. Par contre, ils ne sont pas capables de le voir avec les yeux de l'esprit, puis de voir qu'il y a une évolution qui se fait autant au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. Parce que la douleur et de la souffrance, c'est une vibration. Puis plus tu es capable d'encaisser des hauts niveaux de ça, plus la vie devient facile, puis plus tu es bien dans ta peau parce que tu as une capacité d'absorption qui est beaucoup plus grande que la moyenne de l'être humain, qui non seulement peut pas absorber, mais qui réfléchit la sensation comme étant négative. Donc, il n'est pas capable de travailler avec les forces de contraction, la douleur, l'opposition, la tension essentiellement, au lieu de relaxer dedans. Parce que dans la course, essentiellement, c'est ça qu'il faut développer. Puis dans le combat, puis dans l'entraînement, c'est être capable de générer une force maximale, puis tout de suite après, générer le plus possible de la relaxation. Comme ça, tu es toujours dans un mouvement d'efficacité. Tu brûles pas de l'énergie pour rien. Puis au contraire, tu peux toujours utiliser, si on veut, la forme à ton avantage. Bon, je vais traduire ça, mettons, au niveau du combat. Ben, quand tu fais, mettons, du clinch, ben, en Muay Thai, la boxe thaïlandaise, qui est une boxe qui contient justement des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude, des coups de genou, puis c'est un rythme qui est très, très rythmé. T'sais, si les gens sont intéressés, vous irez voir les combats de ça. Les gens, on dirait qu'ils dansent sur place. T'sais. Puis quand les coups rentrent, au lieu de résister, ils absorbent le coup, puis ils utilisent l'énergie du coup pour renvoyer un autre coup tout de suite après. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'économies d'énergie, puis souvent, celui qui est le plus composé comme combattant va s'en sortir vainqueur parce qu'il va être capable d'utiliser l'énergie de l'autre qui, lui, va avoir tendance à mettre une pression, brûler de l'énergie, puis l'autre va utiliser son énergie contre lui. C'est C'est un le peu comme principe même le des filles. judo, c'est-à-dire que la personne utilise la force de son adversaire contre lui. Ben dans le judo ou dans l'aïkido, on peut le voir beaucoup plus concrètement. T'sais, le gars, il arrive, mettons, puis il donne un coup de poing. Puis le gars, il prend son coup de poing, puis il va au sol avec de façon naturelle. En Muay Thai, il faut que tu aies plus de ressenti parce que le gars, il a l'air de bloquer le coup, mais dans le fond, il y a quand même de l'énergie qui passe. T'sais, même si tu fais un blocage avec le tibia puis avec les avant-bras, il y a quand même de l'énergie qui va rentrer dans le corps, puis c'est cette énergie-là qu'il faut qu'il soit transférée. Mais souvent, on ne voit pas, on voit juste. Il frappe, l'autre il frappe, lui il frappe, l'autre il frappe. Mais si tu es capable de vraiment regarder l'onde de choc, tu vois que l'onde de choc est traduite pour faire bouger quelque chose d'autre. Puis c'est le même principe avec la course. Tu regardes des gens qui courent à haut niveau, ils récupèrent constamment l'énergie du transfert de poids qui est mis dans le sol. Donc au lieu que quand le pied frappe le sol, l'énergie remonte dans le corps, lorsque le pied frappe le sol d'un angle spécifique, les hanches étant légèrement en avant des genoux, l'énergie est transférée dans le pied puis est renvoyée vers l'avant. Fait que ça recycle beaucoup d'énergie. Donc, la personne est capable de maintenir un rythme de course plus rapide en brûlant moins d'énergie que s'il était constamment en train de voyons comment je peux dire ça, donc, avoir le retour de choc tout le temps dans son corps. C'est ça qui brûle le gaz, dans le fond. Si tu es capable de tourner ce retour d'énergie-là du pied qui frappe le sol vers l'avant, ben là, le corps avance au lieu de monter puis bondir de haut en bas. C'est le principe essentiellement, je pense, qu'est-ce qui va vraiment distinguer quelqu'un qui s'entraîne de façon intelligente, c'est sa capacité de brûler le moins d'énergie possible, mais de générer le plus de performance possible. Puis moi, dans mon travail, c'est ça qui est mon objectif, c'est d'amener les gens à réaliser que dans de la détente, il peut avoir beaucoup de force. Puis d'ailleurs, la seule force qu'il y a, c'est dans le repos. C'est quand tu es dans une position de neutralité, puis là, tu génères de 0 à 100. Boum! Là, le coup, il part. Paf! Là, il est tellement rapide, puis il est tellement non télégraphié que la personne, ça, elle le prend de façon très intense, puis toi, tu n'as fait quasiment rien. Mais si la personne Ouais. admet du gros muscle, beaucoup de résistance musculaire dans son mouvement, son coup va avoir moins de force, moins de vitesse, puis il va être beaucoup plus facile à voir venir. Donc, non seulement la personne a perdu l'énergie, mais elle se met en échec elle-même parce que son coup est déjà visible, donc la personne est prête à frapper par la suite. Mais c'est intéressant ton propos parce que ça rejoint l'esprit qui est un principe d'optimisation énergétique. Carrément. Puis dans le fond, pourquoi que je fais le pont entre le corps et l'esprit, c'est que si quelqu'un est supposément conscient, il devrait être capable d'utiliser efficacement son véhicule dans la mesure du possible, parce que ça traduit vraiment les principes de la conscience dans le monde matériel. C'est la même chose avec les finances, la même chose avec les relations. Le plus d'efficacité possible avec le moins d'énergie possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement réflectif, il n'y a pas de préalable. Tu n'arrives pas avec un plan. Tu arrives avec le seul unique plan, c'est de travailler avec ce que tu as en avant de toi. Fait que quand tu cours, même chose. Quand tu lèves des poids, même chose. Quand tu fais du combat, puis d'être capable justement de rester calme, ça te permet de pouvoir absorber beaucoup plus, monter l'intensité très haute, puis d'avoir beaucoup, beaucoup de résultats dans ce que tu fais. Puis de ne pas avoir l'impression que tu travailles. T'sais, le travail, il vient de la résistance, puis il vient de la réflexion qui est au préalable de la résistance. Fait Oui, que moi, qui je crée une pense que. lourdeur énergétique, dans le sens Comment que dis-tu ça? quelqu'un qui réfléchit, ça crée une lourdeur énergétique qui la dissocie de qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Mais de la réflexion, dans le fond, c'est juste changer de temps. Tu sais, quand on parle de temps, là, on peut être dans le présent, qui est le temps réel. Puis lorsqu'on réfléchit, on change de temps dans un temps qui est beaucoup plus au ralenti. Puis pendant que on change de temps, notre conscience passe du plan physique à regarder qu'est-ce qui se passe en avant d'elle, à ressentir. Elle s'en va dans un plan astral, puis elle reçoit de la pensée, puis elle concentre son énergie sur sa pensée. Fait que le moindre petit délai de être en avant de ton adversaire, puis de penser à ce que tu vas faire, ça te fait perdre l'instantanéité du mouvement. Fait que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre en réfléchissant. Ouais, j'ai plein de la En misère à parler, je suis réfléchissant, désolé, je il n'y a mange aucun des coups sur la problème. tête un matin. Il n'y a pas aucun Mais problème en réfléchissant. en réfléchissant, ben, tu perds de l'énergie, mais tu perds aussi du temps, essentiellement. Donc, il y a un délai entre l'information qui rentre et l'action qui sort. Tandis que quand tu es dans la présence, il y a quelque chose qui rentre, puis instantanément, il y a quelque chose qui part. Fait que ça devrait toujours être le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, c'est vers l'extérieur. L'énergie rentre, l'information rentre, la canalisation se fait. Fait que c'est comme une loupe. Il devrait toujours avoir cette feedback-là avec la loupe. Puis c'est pour ça que les gens qui fonctionnent beaucoup avec les cinq sens, qui n'ont pas développé le sixième, ils vont toujours se référer à leur sens comme source d'information, mais il y a un décalage. Tandis qu'avec le sixième sens, il n'y a aucun décalage, c'est toujours instantané. Fait que quand tu canalises la parole, c'est instantané, mais c'est aussi instantané ton mouvement. T'sais, moi, je trouve ça toujours drôle. Je me promène dans les épiceries des fois, puis les gens ils manquent un peu de présence avec leur panier. Puis au lieu de résister leur mouvement, moi, je fais des espèces de. Je passe bien vite entre les paniers, mais au lieu de résister puis de dire, oh, il y a des paniers là, ben, t'sais, je me faufile. Fait que j'utilise l'opportunité de passer entre les deux paniers. Puis ces gens-là, ils s'en rendent pas compte. Fait que, tu sais, c'est un mouvement, c'est comme tu deviens de l'eau partout où ce que tu vas, là. Que ça soit dans le training, dans la parole, tout est fluide. Faut que ça soit fluide. S'il y a du décalage, la personne devrait voir, bon, c'est de où ça vient, ça? Ça vient de là. Identifier, après ça, confronter, puis après ça, agir sur l'intégration de la confrontation. Fait que l'exercice, la même chose. Au début, toi, tu étais là, ah oh, non, je suis pas en forme. Non, non, elle dit, je suis pas en forme. Mais ça, c'est un cop-out. Tu te dis, je suis pas en forme. C'est facile de dire ça. Mais si l'ego accepte je suis pas en forme, le je ne suis pas en forme, ben il a acheté ça, il reste à cette position-là. Mais s'il reçoit je suis pas en forme dans son mental, puis l'ego est capable d'être assez intelligent pour voir, hey tabarnak, moi ça, pas en forme, check-moi bien aller. C'est ça l'attitude confrontationnelle qu'il faut avoir avec les plans. C'est que dès qu'on reçoit quelque chose de télépathique à travers la pensée ou l'image dans notre mental, il faut être tout de suite capable de prendre une position par rapport à ça. Ce serait une position de contestation. Ouais, mais tu sais, juste une position essentiellement, parce que la plupart du monde, ils n'ont pas de position. La pensée, c'est eux. Fait que tout ce qu'ils reçoivent, ils parlent. Il n'y a pas de médium. Il n'y a Non, c'est pas ça, ils de filtre. s'identifient à la pensée, ils ne sont pas capables de la prendre une distance et la contester. Exactement ça. Exactement, mais en lien avec ce que tu dis, c'est intéressant parce que dans le fond, quand on a commencé les premières minutes où ce que tu me faisais faire du tapis, je Ouais. me sentais pas bien. À un moment donné, je voulais arrêter. Ben, je voulais, c'est-à-dire, ça disait que je voulais arrêter dans ma tête, tu comprends? C'est ça la manipulation, puis je l'amène aux gens, puis je mets l'emphase là-dessus parce que ça peut vous arriver aussi. Quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner puis monter en intensité, ben ce qui peut arriver, c'est que des pensées astrales cherchent à le faire peur puis dire ah ben tu seras pas capable, tu vas vomir, tu vas avoir des problèmes et ainsi de suite là, tu sais. Ouais, puis ça m'amène parce que ça me dit que ça revient tout au test. Puis l'ego, là, pour qu'il devienne intelligent, il doit être testé, mais il doit aussi tester. Puis il y a deux formes de tests que l'ego va s'assujettir pendant une période de temps. La première forme, c'est une forme inconsciente, c'est que tu te testes pour trouver de l'identité, t'es encore en recherche. Tu te cherches quelque chose, donc tu te vérifies dans toutes sortes de sphères de la vie. Pour voir comment tu te mesures par rapport à cette sphère-là, basée toujours sur de la subjectivité en relation avec une autre subjectivité. Puis la deuxième forme de test, c'est de voir jusqu'à quel point tu as de la résilience. Parce que l'esprit, c'est toujours là, ça va toujours être là, puis c'est imperman... c'est d'une permanence absolue. Fait que si tu as de l'esprit, tu devrais en avoir partout. Fait que moi, c'est toujours ça que je trouve qui est intéressant, de sortir un peu de la zone de confort, pas pour se prouver à soi-même, mais juste pour vérifier où est-ce qu'on se positionne. C'est toujours quand on touche une limite qu'on voit où est-ce qu'elle est. Parce que si on ne touche jamais aucune limite, on a l'impression qu'on est libre, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, mais dans le fond, c'est juste parce qu'on ne voit pas notre prison de verre qu'on a dans notre mental. Comment? Non, non, ben ça a coupé là, mais on peut continuer là. C'est intéressant de voir la prison de verre, c'est-à-dire la prison psychologique que la personne peut avoir quand elle est soumise à des formes et à des croyances. Oui, mais ça va au-delà de tout le processus de. Parce que vous autres, là, les groupes de personnes supramentales, là, il y a beaucoup de paroles, puis il y a beaucoup d'expressions, puis il y a Ne beaucoup nous d'articles, il y a affolons beaucoup pas d'affaires. ici. Ne nous affolons pas ici, Olivier. Je prétends pas représenter les groupes de gens sur Internet qui parlent de conscience supramentale, là. Je me fais Non, je pas parle leur d'eux autres, je parle porte-parole. pas de toi. OK. Bon, je parle de ça, là. Je parle de tout le monde qui baigne là-dedans, là. Ben, c'est important que vous sachiez la mesure de vous-même, la mesure de votre esprit, parce que. C'est bien beau parler, là, puis écrire des livres, mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça, concrètement? Parce que si c'était si présent dans le matériel, l'esprit, on n'aurait pas des gouvernements aussi abrutis qu'on a présentement. Fait clairement, il va falloir qu'on amène ça dans le matériel, puis je pense que de commencer par le corps physique, c'est une base, parce que on n'est pas venu ici de s'incarner pour rien. On est venu ici pour intégrer un corps physique de façon parfaite, pour éventuellement créer un autre corps, puis s'en libérer du corps physique, puis vous travaillez avec quelque chose d'autre pour le futur. Mais ça, c'est dans longtemps. Pour le moment, la plupart des gens, ils veulent tout éviter le corps physique, parce que le corps physique, c'est où ce qui se loge la mémoire des souffrances. Puis ces souffrances-là sont autant psychologiques qu'elles sont réelles, puis c'est de la douleur dans le corps, c'est des blocages. T'sais. Tu commences, mettons, moi je fais des arts martiaux avec du monde, puis ils viennent au cours là, le dimanche matin. Puis je leur donne des coups de pied puis des coups de poing à très, très basse intensité. Puis tu peux vraiment mesurer la force d'un individu quand il reçoit des coups. Comment qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est une personne qui a tendance à éviter, à vouloir se cacher, à vouloir se protéger puis se sauver? Ou c'est quelqu'un qui est oppositionnel puis qui devient fou? Dès qu'il reçoit un coup, il perd la contrôle puis il perd la tête. Fait qu'il faut se mesurer. Pas pour se battre ou pas pour aller au gym pour se prouver à soi-même qu'on est bon, mais pour voir où est-ce qu'on est rendu, puis aller de plus en plus loin, puis de travailler l'étude justement du système nerveux central à travers le corps physique, puis savoir comment ça marche cette affaire-là, puis de faire le lien avec les principes universels, puis les principes matériels, puis d'être capable de les harmoniser pour avoir une vie qui est vraiment pleine, puis remplie d'expériences intéressantes, puis enrichissantes. Oui, ben justement, parlant du système nerveux, je pense que ça peut être intéressant d'élaborer un petit peu plus par rapport au lien entre le développement du système nerveux et l'intégration de l'énergie de l'esprit. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, en fait, parce qu'on avait déjà discuté de ça ensemble, puis toi, ce que tu disais, de ce que je comprenais, c'est que c'était fondamental que la personne ait un système nerveux qui soit suffisamment fort pour pouvoir intégrer la descente de l'énergie de l'esprit qui fusionne avec l'humain. Oui, puis dans le fond, si vous voulez mesurer votre système nerveux, ben, arrêtez de manger pendant une couple de jours, allez dans l'eau froide, allez faire un exercice physique intense, puis vous allez vous vérifier. Vous allez vous avoir l'air juste sur vous-même. Mais il y a beaucoup de gens qui le font pas parce qu'ils veulent pas accepter la réalité qu'ils sont médiocres. Parce que la plupart des gens font tout pour ne pas être médiocres, mais la première étape pour commencer à ne plus être médiocre, c'est de réaliser qu'on l'est. Une fois que tu acceptes que tu es médiocre dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu peux déjà commencer à avancer à partir de là. C'est là que le travail commence. Mais si la personne n'est pas capable d'avoir sa position réelle par rapport à un événement ou une sphère de sa vie, comment voulez-vous que cette personne-là puisse se développer réellement? Sinon, elle fait juste s'imposer des étiquettes, puis se faire à croire qu'elle est rendue quelque part, mais quand elle est testée, quand que rubber meets the road, là, quand que le caoutchouc touche la route, c'est là que tu vois, là, faut que tu testes ça. Oui, Bon, ben tu c'est sais-tu ça. comment ça marche, cette affaire-là? T'es-tu intelligent? Bon, répare ton char tout seul avec l'esprit, tu vas voir. Tu vas le voir si t'en as de l'esprit. Sinon, tu te dis, ah non, moi je fais pas ça, réparer des autos, moi je parle de conscience. Bon, t'es pas libre. Fait qu'il y a un manque de liberté, puis on se blanket beaucoup, on se fait à croire qu'on peut pas, on se fait à croire que oui, qu'on est correct, que tout va bien. Mais c'est vraiment dans une situation d'opposition physique puis psychique que la personne, on peut vraiment mesurer sa valeur. Puis pas sa valeur en termes de dire est bonne ou est pas bonne, mais plus voir où est-ce qu'on se situe en termes du taux vibratoire. Ton taux vibratoire, c'est la mesure de toi-même. Tous tes concepts psychologiques, tes croyances, c'est pas une mesure vibratoire. Ça n'a aucune substance réelle. L'univers se calisse bien raide de tout ce que tu peux avoir comme croyance parce que ça n'a pas de fondement, ça n'a pas d'impact. Tandis que un taux vibratoire qui est haut, ça sous-entend que la personne est capable de venir monter très haut en énergie, donc vivre une forme de colère mentale qui est très intense, oppositionnelle à ses limites ou au plan qui la limite, pour faire descendre l'énergie nécessaire simultanément avec le mouvement de la colère pour une mise en action physique. Parce que, tu sais, on dira ce qu'on veut, on est dans un monde physique. Fait que, tu sais, changer ses conditions de vie, c'est physique. C'est changer de job, déménager, changer de conjoint, faire d'exercice. C'est des choses comme ça. Fait que c'est de même qu'on se mesure. Si ça, dans les sphères de votre vie, c'est de la merde, ben, parlez pas de conscience, vous n'êtes pas rendu là, parce qu'il n'y a aucune raison d'une personne peut être consciente, mais d'avoir une vie physique qui est complètement débalancée. On peut avoir un contact avec l'occulte, mais au pire, si on n'a pas de centricité, la pire affaire qui va arriver, c'est qu'on va descendre encore plus bas que quelqu'un qui n'aurait moins, mettons, de ce contact occulte-là. Fait que c'est important de construire le physique pour développer un bon ground pour pouvoir monter plus haut. Tu peux pas monter haut sans te perdre si t'es pas bien enraciné qui est plus bas, là. Non, exactement. Ben, c'est comme la métaphore de l'arbre qui a besoin de racines extrêmement profondes dans la matière pour ne pas être déraciné par le vent, c'est-à-dire T'as pas le l'esprit, choix. ce qui n'est pas visible. Mais c'est dur, ça. C'est dur. C'est dur de commencer à t'entraîner, puis t'as une shape de crevette, puis t'as des petits tétons de femme, mais t'es un homme. Tu sais, c'est dur, ça. Puis t'es autour de des gars qui sont bien en shape, puis que ça fait 10 ans qu'ils en font. C'est que l'orgueil, l'ego prend tellement de volée qu'à un moment donné, ça y met les batteries à terre. Mais il y a des humains sur cette terre qui, eux, c'est comme si, quand que l'orgueil est touché, il y a une colère instantanée qui est générée pour tasser l'orgueil, pour se développer puis aller au-delà. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de plein d'affaires, mais des gens qui sont capables de manger un coup sur l'orgueil puis de instantanément transmuter le choc dans l'identité qui est une illusion, puis transformer ça en puissance. Là, ça devient intéressant. Puis moi, si je rencontre des gens comme ça, là, je m'inquiète jamais pour eux parce que je sais qu'ils ont un certain contact, qu'ils soient conscientisés ou non, qui leur permet toujours de recevoir un coup puis aller de l'avant. Recevoir un coup puis aller de l'avant. Puis ça, c'est la base. Si quelqu'un n'a pas ça, là, il va être récupéré par l'astral de façon constante, puis il va aller chercher beaucoup de support dans les autres. Puis il va souvent se tenir avec des gens qui ont un taux vibratoire plus bas que le sien pour se réconforter que son mouvement il est correct. Fait que ça l'empêche de. Ça lui donne du confort puis de l'espoir, mais ça l'empêche de pouvoir fonctionner à partir de ses centres réels puis vraiment se développer à son plein potentiel de façon très contenue. L'être conscient a beaucoup de patience. Donc, il est capable de voir que dans 25 ans, il va être rendu à ce niveau-là de forme, mais il est capable de contenir le temps parce qu'il apprécie le chemin. C'est le processus qui est agréable parce que le processus, c'est comme une danse. Fait que si tu aimes ça danser, ben, tu peux danser pendant des années, mais tu danses toujours vers une amélioration. Tu es toujours en train de te développer puis de te raffiner. Puis l'être psychique, ben, il y a des mesures beaucoup plus définies de son être. Donc, il est capable de voir les changements physiologiques, psychologique, physique, de façon très, très subtile. Donc, il voit toujours un mouvement de l'avant. Tandis que la personne qui fonctionne déconnectée de son corps physique, son psychisme, il voit toujours que avant il était bon, puis là, il est plus bon, ou avant, il était pas bon, puis là, il est bon, puis là, il met de la valeur là-dessus. Fait que, temporairement, quand il sent bon, il est dynamisé, puis là, il rencontre quelqu'un qui est meilleur que lui, puis là, il perd son énergie, puis là, il veut plus. Fait que, il est là, le problème. Oui, mais c'est parce qu'il se compare puis il se réfléchit par rapport aux autres. C'est ça le Ouais, mais il problème. fait pas exprès, tu sais, c'est malgré lui, là. Oui, ça fait partie de son expérience d'être qui n'a pas la capacité de se propulser au-delà de ce comportement. T'as pas, ça, tu sais, quand on parle du double, on devrait parler de la conscience double, parce que le double, c'est pas comme une forme de doublure de nous-mêmes, tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais c'est une conscience double. Quand il y a une conscience double, il y a de l'espace. Puis en ayant de l'espace, quand il y a une problématique qui émerge, ben, il y a déjà un observateur qui observe la problématique, puis ça, c'est l'esprit qui voit. Donc, quand tu vois, tu es capable de décider comment tu vas agir par rapport à ce que tu vois. Tandis que l'être réflectif, lui, il voit pas, il reçoit, il réagit. Il est dans la programmation, mais il n'est pas conscient, puis il n'est pas capable d'agir de façon perfectionnée parce que. Au lieu d'être animé par un moteur d'intelligence, il est animé par un moteur de crainte. Puis l'opposition, pour lui, ça lui crée de la crainte parce que, essentiellement, dans l'opposition, ce qui fait peur, c'est l'inconnu qu'il y a derrière l'opposition. C'est ça qui Exactement. fait peur. Mais parlant d'inconnu, mais c'est ce que j'ai vécu dans mon expérience Donc, parle-en un peu plus, définis-la, là, qu'on descende l'information là-dessus. Oui, ben certainement. Donc, quand tu m'as fait faire du tapis, ben c'est sûr qu'à un moment donné, parce que ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne, puis quand que je touche une certaine zone d'inconfort ou lorsque je commence à transpirer plus, avoir le goût de vomir, souvent j'ai tendance à arrêter parce que cet état-là, ben, j'ai les signaux négatifs du corps, puis c'est une zone qui est comme inconnue. Mais toi, tu m'as amené à persévérer, d'aller plus à fond pour explorer cet aspect-là inconnu de moi-même, c'est-à-dire voir si le corps va continuer Okay. J'ai une pareil. question pour toi. Oui? Parce que c'est pas la première fois que je te fais ça, là. Je Mais sais. comment ça se fait que là, essaye de définir, demande-leur, là, comment ça se fait que avant, j'étais pas capable, puis là, je suis capable? Ce que ça me dit, c'est qu'avant, je n'étais pas prêt, puis là, j'étais prêt. Ouais, mais là, donne-moi quelque chose de plus trippant que ça, là. Ouais. Tout le monde sait ça, là. Ben, C'est ouais, évident. non, Mais c'était quoi les mécanismes qui t'empêchaient d'aller plus loin avant, qui sont plus là maintenant? Ben, je prétendrais pas que c'est plus là, mais ce qui me vient en tête, c'était la crainte. C'est comme si présentement, j'ai plus rien à perdre, tandis qu'avant, ah, ben, j'avais comme un ego, que là, tu sais, j'avais peur de ci, de ça. OK. Il y a comme une saturation énergétique qui est là. Fait que c'est important de comprendre que rendu à un certain niveau de souffrance, à un moment donné, tu fais, ah ben, tabarnak, que je mourrai. Au pire, je vais mourir. Ben, moi, j'ai dit tabarnak. Moi, ce que j'avais en tête, c'est tabarnak qui est à côté de moi. Si je perds connaissance, va faire de quoi ou je vomirai, calice. C'est ça. Là, quand tu acceptes les conséquences positives et négatives, là, il y a un relâchement qui s'installe. Puis là, tu peux t'enraciner de plus en plus dans ton corps énergétique. Parce que moi, quand je m'entraîne pas dans mon corps physique. C'est comme si j'étais dans une tour de contrôle. Ou je vais prendre un meilleur exemple. C'est comme si je contrôlais un personnage informatique, ça, dans un jeu vidéo. Je pèse sur les pitons pour le faire avancer. Mais je suis pas assujetti. Tu sais, si, mettons, je joue à Battlefield, puis je me fais tirer dessus, et je sens pas que je me fais tirer dessus devant mon ordinateur, ben c'est le même principe. Moi, quand je cours sur un tapis, puis ça me fait mal, je le sais qu'il y a de la douleur, je le sais qu'il y a de l'essoufflement, mais je le sais que je suis encore là, puis je continue de courir, puis que si c'était vraiment dangereux, je me ferai acheminer l'information de danger. Puis il y a une grosse différence entre une information de crainte et une information de danger. Une information de danger, c'est intransigeable. Quand ça rentre, tu le sais tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation dans le danger. Dans la crainte, il y a beaucoup de réflexion parce qu'il y a du doute. Il y a une incertitude d'un danger. Il y a comme une partie de l'ego qui voit du danger, puis une autre partie qui sait qu'il n'a pas, fait qu'il n'est pas capable de se positionner de façon rigide, hein, dans bonne position. Fait qu'il vit du... J'ai juste le mot en anglais, wobble, là. Il vibre. Il vibre, mais il vibre pas bien, là, t'sais. Il est pas bien, là. Il sent pas qu'il est calme. Ben, il est Puis là, déstabilisé, il est décentré. déstabilisé, décentré, c'est ça. Mais la minute qu'il accepte le doute, comme, tu sais, mettons, si t'as un doute que tu vas vomir, mais si tu fais, OK, je vomirai au pire, c'est pas grave, ben là, l'orgueil vient de tomber, l'ego vient de lâcher prise, là, l'énergie passe. Puis c'est comme si l'énergie passe, le corps se détend, mais il génère plus qu'il générait quand il était en tension. C'est ça qui fait en sorte que la personne peut aller plus loin, parce que là, elle résiste moins. Elle résiste moins. Puis est capable d'absorber l'énergie, la sensation. Essentiellement, c'est une sensation physique. Tu sens la sensation, puis tu es capable de la prendre, puis de la prendre, puis de la prendre, puis de la prendre. Puis là, il y a un moment donné, tu atteins ton seuil pour la journée. Tu arrêtes, tu te reposes. Là, tu changes d'aspect. Parce que là, on a parlé de l'entraînement physique pour se dynamiser, puis d'aller dépasser les limites, mais il faut savoir aussi comment recharger les batteries. Puis recharger les batteries, c'est tout ce qui va stimuler le système nerveux parasympathique. Fait que quand on parlait au début, dans les premiers enregistrements du système nerveux, dans le système nerveux autonome, donc un système nerveux qui normalement se gère lui-même, il y a deux aspects. Il y a un aspect yang sympathique, donc stress, restriction du flux sanguin, augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle, production d'adrénaline, production de norépinéphrine, toutes sortes de neurotransmetteurs qui sont produits, puis la personne est allumée au bout. Mais ça, c'est pas bon de rester là-dedans de façon permanente, parce que d'ailleurs, quelqu'un qui pense beaucoup puis que son corps astral est rempli de mémoire émotionnelle, il vit beaucoup dans cet aspect-là de son système nerveux, même au sommeil, ce qui explique beaucoup de gens qui font des cauchemars, de la misère à dormir, de l'insomnie, des choses comme ça. Fait que d'être capable de dire off, mettre la switch à off. Mettre la switch à off, ça ne veut pas dire dormir puis d'être dans un état de léthargie à moitié conscient. Ça veut dire d'être dans une relaxation, mais être parfaitement conscient. Fait que c'est comme si, pour certaines personnes, moi, je vais être dans un état de sommeil, mais je suis conscient dans cet état de sommeil-là pendant que quelqu'un d'autre ne le serait pas. Quelqu'un, mettons, je te donne un exemple, qui fait du yoga, souvent les gens, ils s'endorment. Ils ont le goût de dormir. Mais c'est parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas que tu as envie de dormir, c'est que là, tu es en train de changer les ondes qu'il y a dans ton cerveau dans des ondes qui sont beaucoup plus profondes ou d'une vibration qui est beaucoup plus intérieure. Fait que c'est comme si l'ego est conditionné que quand il va là, c'est dormir. Mais il ne faut pas que la personne, quand elle tombe dans des états de repos, de relaxation extrême, elle s'endorme ou elle devienne léthargique. Il faut qu'elle aille dans son noyau, puis qu'elle aille s'intérioriser, se recharger dans son noyau. Puis après ça, revenir à l'extérieur, donc revenir aux cinq sens, rentrer dans le sixième, s'intérioriser, puis après ça, revenir dans le physique pour ramener cette énergie-là qui a été rechargée. Puis tu sais, il y a des techniques différentes pour ça, mais essentiellement, c'est des moments où est-ce qu'il y a une absence totale de réflexion, puis quand que le corps il est dans un état de bien-être qu'on va retrouver ça. Donc, tu sais, les gens méditent pour ça, font du yoga pour ça, font des respirations pour ça. À un moment donné, tu n'as plus besoin de méditer, là, tu sais, t'es bien, tu sais. Ton état de réveil, de fonction normale, c'est comme un état de sommeil pour quelqu'un d'inconscient. Cette personne-là pourrait pas générer ce Mais que t'as tu fais différents dans cet types état de d'ondes, tu sais, conscience-là. attends une minute, parce que t'as différents types d'ondes, tu sais, quelqu'un qui est en onde, il y a bêta, delta, Je me tel. rappelle plus ces ondes-là, c'est des OK. formes, je sais c'est quoi, mais je me rappelle plus c'est lequel qui est lequel. Je sais que bêta, c'est stress. C'est quand tu es agité, tu penses à plein d'affaires, tu es excité, là, tu as hâte ou tu as quelque chose de même. Alpha, c'est plus quand tu es dans un processus plus calme, créatif. Okay? Dans le fond, tu as des idées intelligentes un peu plus, tes pensées sont moins bardassées, sont moins garrochées. C'est plus genre un espace, une pensée intelligente, un espace, une pensée intelligente. Souvent, les gens qui font ça, ils vont faire de la musique. Ils vont combattre, ils vont dessiner, ils vont faire des choses comme ça qui vont canaliser, vont mettre le cerveau dans ces ondes-là. Puis après ça, t'as gamma, θ. Y a-tu d'autres choses? Me semble que c'est ça, en tout cas. Je sais pas si θ, puis c'est le plus profond ou c'est gamma le plus profond. Mais bref, mettons, je définis la quatrième. Pas la quatrième, excuse, la troisième. Mettons, on va dire que c'est θ, OK? Dans les ondes θ, là, t'es dans l'astral. T'es dans le monde du rêve, OK? Mais quand t'as une conscience supramentale, t'es pas dans le monde du rêve, t'es comme dans un monde qui est tellement subtil qu'il n'y a même pas de forme. Mais les formes, ils sont là, mais ils apparaissent puis ils disparaissent instantanément, puis c'est plus vibratoire, l'information. Puis quand t'es dans gamma, ben là, t'as plus absolument aucune conscience de ton corps, mais t'as une conscience absolue. Bon, les hindous appelaient ça le samadhi. Par contre, quand on regarde le samadhi, c'est un état de conscience que beaucoup de gens peuvent atteindre. Par contre, c'est un état méditatif profond qui, la conscience est complètement retirée des cinq sens puis est amenée à l'intérieur. Mais à l'époque des hindous puis de toute l'époque du yoga il y a longtemps, la conscience supramentale n'était pas descendue sur Terre. Donc tout ce que les grands maîtres pouvaient avoir accès comme conscience, c'était une conscience qui était au niveau de l'astral. Malgré que dans l'astral, tu as des très, très, très, très hautes sphères qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses, beaucoup de formes qui sont fascinantes, intéressantes, qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à l'ego. Mais malheureusement, c'est pas réel parce que c'est pas créatif, c'est des ramassis, c'est des restants, c'est de l'ancien matériel qui a déjà été produit. Par Fait des que c'est initiés tout. sur Terre. Oui, exactement. Donc, il y a des hautes strates puis des basses strates. Mais quand un humain vit une conscience supramentale, ben là, cette conscience-là, quand elle commence à s'intégrer, ben c'est sûr que la personne peut la vivre à différents niveaux, mais une fois qu'elle est intégrée, où est-ce que la personne, dans le sommeil ou dans le réveil, maintient toujours la même position, ben il n'y a plus vraiment besoin d'aller chercher faire une méditation volontaire parce que naturellement, c'est toi qui contrôles ton espace psychique. Fait que peu importe la pensée qui peut rentrer pour faire vibrer l'ego à la crainte, ben à cause qu'il y a tellement d'esprit, ben l'esprit est toujours en superimposition, donc il y a toujours une espèce de l'ego le prend pas au sérieux. Tu prends moins au sérieux ce que tu as dans ta tête parce que la crainte est de plus en plus disparue. Tu sais, comme moi, depuis mon accident, ce que je suis beaucoup testé, c'est à chaque fois que j'ai un problème physique, j'ai une douleur quelque part ou j'ai quelque chose qui m'apparaît. J'ai toujours l'impression, genre, vis un test de genre, comme un choc post-traumatique de ah non, d'un coup, tu serais malade, puis il faudrait que tu retournes à l'hôpital, puis à un moment donné, c'était le cancer, puis à un moment donné, il y a toutes sortes de choses que l'astral essaye de m'envoyer pour me dépolluer complètement de toute forme de mémoire résiduelle par rapport à l'événement de mon accident, pour que Ben je en puisse fait, aller ailleurs, puis de me développer plus. l'astral vise pas à te dépolluer. C'est toi qui te dépollues en donnant pas d'importance à ces pensées-là. Oui, mais l'astral, dans le fond, elle joue un rôle super intelligent. Indirectement, elle te force à monter en intelligence. Mais Le elle. problème, c'est pas l'astral. L'astral, c'est parfaitement intelligent. Le Non, problème, c'est ben l'ego. c'est C'est pas. l'ego, comment qu'il analyse l'information Je qui lui est compte. acheminée. Ouais, ben je conteste ce que tu veux dire dans le sens que pour moi, l'astral, c'est pas intelligent comme l'esprit peut l'être. Ben, l'astral, ça vient de l'esprit. C'est un sous-produit de l'esprit qui est appauvri sur le plan vibratoire. C'est comme des résidus de miettes de biscuit. Ouais, mais Chris, ça joue un rôle des miettes de biscuit. Oui, par Tu contre, sais, c'est parce que c'est pas aussi nourricier que le comment biscuit. tu veux mettre un ego en mouvement créatif sans de l'opposition? C'est impossible. Toutes les forces astrales sont sous-tendues par l'esprit. Même les plus hautes entités astrales sont sous-tendues par l'esprit. Puis c'est l'esprit qui a ascendance vibratoire sur toutes ces formes-là, matérielles, psychiques, à tous les niveaux, parce que c'est le moteur créatif. C'est le plan architectural, c'est la structure même de toute la création, toute l'existence à tous les niveaux. Fait que quand l'astral, une entité dans l'astral qui fait vibrer le corps astral d'un ego incarné dans le matériel, c'est toujours intelligent. C'est Ben pas oui, l'entité qui est intelligente parce que l'entité Ouais, n'est ben pas c'est là que j'allais alimentée emmener, par c'est ça. C'est elle-même. parce que l'entité, elle n'a pas d'autonomie psychique réelle. Non, elle est mise en vibration par l'esprit pour faire un travail. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord en l'expliquant puis en l'approfondissant, là, comme on vient de Ben le c'est faire. ça. Ben oui, je dis pas que l'astral c'est intelligent. Quand je dis là, c'est parce que tout est intelligent. Quelqu'un qui perd son enfant dans un accident de char, c'est intelligent. Le problème, c'est que l'ego étant trop couvert de son périsprit ou de sa mémoire astrale qui résonne avec son corps émotionnel, il n'est pas capable de voir l'intelligence dans le mouvement parce qu'il n'est pas capable d'accepter d'abord le mouvement. Fait que quand je dis l'astral c'est intelligent, c'est que l'astral met le monde en échec, joue avec, fait vibrer les cordes des égos sur Terre pour être capable que l'ego se mette en mouvement puis tranquillement, pas vite, ils vivent comme un combat avec l'astral. Puis à un moment donné, tu sais, parce que tu remarqueras là, moi, je me rappelle quand j'étais, quand que j'ai vécu là, des moments où ce que je vivais de la réflexion par rapport à la maladie, la minute là que je vivais une transformation, tu sais, instantanément en dedans, que ça me disait, ah, oh, puis qui mange, puis au pire là, s'il faut que je perde tout mon argent puis je retourne à l'hôpital, so be it, je vais quand même m'en sortir parce que je suis torqué à l'os. Puis la minute que j'ai commencé, c'est pas une attitude là, c'est un écœurement. C'est pas l'ego qui se fait du conditionnement, là. C'est vraiment à un moment donné, là, t'es tellement écœuré de te faire déranger par de la petite pensée crasse de même que tu te dis, ben, calisse, s'il faut que je sois malade, je serai malade. Anyway, il n'y a rien que je peux faire, je fais du mieux que je peux. Puis quand l'ego, il est vraiment sûr de ça, là, puis que c'est réel, là, tranquillement, la réflexion va se dissiper, puis va se dissiper, puis va se dissiper. Puis j'ai remarqué même que tu vas vivre une forme de maladie ou une douleur ou un problème quelque part, puis la minute que tu comprends que c'est un test, pas comprends psychologiquement, là, vibratoirement, quand c'est le temps, là, parce que c'est quelque chose qui arrive dans le temps, ben automatiquement, là, le mot MAUX disparaît tranquillement. Dès que tu as compris c'est quoi, là, puis qu'est-ce que ça fait, puis pourquoi c'est là, là, le mot il disparaît. Mais si tu comprends pas, il reste. Puis il reste Ben, seulement parce qu'il y a une attends une crainte. minute. La compréhension, c'est pas juste ça. Après tout, Bernard de Montréal est décédé d'un cancer, puis il comprenait dans sa vie la fonction de sa maladie. Ben oui, mais c'est ça. Il a fini. Il n'y a plus de maladie. Mais il faut que tu meurs de quelque chose. C'est évident, tu as un corps physique. Oui, mais de toute façon, Il y a une grosse différence entre mourir, puis de savoir pourquoi tu meurs, puis où c'est que tu t'en vas, puis que tu as déjà ton itinéraire de planifié devant toi, puis d'avoir peur du cancer, de pogner le cancer, puis de mourir du cancer de façon épeurée. Pas même Non, affaire. non, je suis d'accord avec toi Puis si dans tu veux prendre ouais. Bernard Montréal en backup là, pour parler, on va l'utiliser. Si tu te rappelles de ce qu'il disait, une maladie, c'est pas une maladie. Hey, ça, là, j'ai jamais entendu quelque chose de plus intelligent que ça. Une maladie, c'est pas une maladie. Puis ceux qui comprennent pas ça, là, ben, vous allez comprendre à un moment donné, ou peut-être pas. Mais ceux qui comprennent ça, là, déjà, là, vous avez une bonne conscience. Parce que la maladie, c'est pas une maladie, là. Ce que ça veut dire, c'est que la maladie physique, les symptômes, tout ça, ce n'est pas une maladie. C'est une expérience pour transmuter l'âme tranquillement, pour intégrer de plus en plus de conscience. Fait qu'une fois que tu as intégré l'information, tu étais capable d'absorber l'information de la maladie, bon, au niveau des sensations, au niveau du corps physique, ben tu reçois l'information du pourquoi, puis tout se fait, puis tranquillement, pas vite, ça s'intègre. Puis là, éventuellement, de moins en moins de parasites que tu peux avoir dans ta conscience, parce que il y a une limite à un moment donné aux craintes. L'astral, c'est pas infini. L'astral, il n'y a pas infiniment des craintes là-dedans. La crainte, elle résonne tout autour d'une seule crainte. Fait que la seule crainte, c'est l'inconnu. C'est surtout la peur de perdre le corps physique, la peur du connu, dans le fond, la peur de perdre ce qu'on connaît. Fait que tu sais, les gens, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de vivre sans un corps physique, puis de hey, mes cheveux, puis qu'est-ce que j'étais, comme était, de quoi j'avais l'air. Ils ont peur de perdre ça. Fait que c'est évident que la mort, c'est une crainte. Mais tu sais, la folie aussi, c'est une crainte pas mal pire que la mort, selon moi. Puis je pense que les gens qui vont vivre un certain état de conscience avancée vont avoir à passer à travers les seuils de la folie pour en comprendre les mécanismes, puis éventuellement être capable de guérir leur propre folie, puis d'amener d'autres personnes qui ont des maladies mentales à dépasser justement le je qui est très, très prononcé dans la maladie mentale et dans la maladie physique pour comprendre l'intelligence du mouvement et éventuellement être capable de l'intégrer, puis de pouvoir justement absorber plus d'énergie, puis d'être plus en puissance. Ouais, si on a la vibration d'accompagner les gens à ce sens-là, parce qu'après tout, la personne qui est consciente, elle ne cherchera pas à jouer au sauveur non plus, tu sais. Non, mais de savoir que tu peux parce que tu as déjà vérifié, c'est déjà un tu sais, c'est pas parce que t'as plein d'outils dans ton coffre à outils que tu as besoin de les utiliser à tous les jours, de les avoir dans tes mains tout en même temps. Mais tu peux savoir que ton coffre à outils est plein. Ça veut dire que tu sais que si tu rencontres quelqu'un qui est schizophrène, tu vas pouvoir parler avec, tasser les entités, puis l'aider pendant une courte période de temps jusqu'à ce qu'il revienne dans ses affaires. Mais ça, déjà, c'est une mesure de ton niveau de conscience, tu sais. Parce Mais que comme quelqu'un qui a disait vécu la Bernard, folie, capable l'homme d'aider les conscient, il consciences. cherchera pas à aider l'homme. Tu peux pas aider l'homme, dans le sens, tu peux pas y faire parvenir à l'éveil. Mais non, mais Chris, tu te rencontres un schizophrène à 3 h du matin dans le milieu de la rue, là, puis il vient te parler, mais tu parles avec. Tu vas pas courir les schizophrènes, ça t'adonne qui est devant toi, il est dans ton chemin. Oui, non, Parce je que j'espère que vous savez qu'il n'y a pas de libre arbitre, là, fait que déjà en partant, tout ce que vous faites, puis tout ce que vous rencontrez, puis tous les gens avec qui vous parlez sont déjà préordonnés. Fait que s'agit juste d'avoir un mouvement parfait. Mais tu sais, mettons, je te donne un exemple, quelqu'un qui a peur de ça, la folie, mais il sait même pas qu'il a peur de ça, qu'il n'est pas conscient de sa peur. Il rencontre un fou tout de suite, il est mis en opposition. Mais quelqu'un qui a une conscience, il est capable de rencontrer quelqu'un qui a une maladie mentale, puis traiter avec, du mieux qu'il peut. Puis si la personne qui a la maladie bénéficie temporairement de la lumière de l'autre, ben il va pouvoir tasser des entités pendant une courte période de temps. C'est sûr que tu dis, quand tu reviens à aider l'homme, on peut pas aider l'homme, c'est parce que l'homme n'est pas encore dynamisé par sa source, fait qu'il peut pas maintenir l'énergie que tu lui as donnée. Fait que tranquillement, c'est comme une roue qui tourne, t'as fait tourner la roue bien vite, ting, puis là, il part avec sa roue qui tourne, mais éventuellement, il y a une perte d'inertie, puis la roue, elle arrête de tourner, puis là, il revient dans les vieux patterns, Ouais, mais... ben c'est ça, parce que si la personne qui est possédée par des entités, puis elle entend des voix, est chevauchée par l'astral, ben temporairement, en présence de quelqu'un qui a un taux vibratoire plus élevé, ça peut rehausser son taux vibratoire, mais si la personne n'est pas capable de générer par elle-même ce taux vibratoire-là, qui fait en sorte qu'elle se libère psychiquement de l'influence des entités, ben elle va retomber un peu plus tard. Oui, mais clairement, la personne n'est pas dynamisée parce que si une personne était dynamisée par l'esprit, il n'y aurait pas de maladie mentale. Exactement. Mais tu peux paraître pour quelqu'un qui a une maladie mentale quand tu communiques avec des gens qui ont des consciences psychologiques puis que tu fais des faux pas au niveau de la parole. Parce que des fois, tu sais, ça doit t'arriver, tu fais un faux pas au niveau de la parole, tu parles. Tu sais, c'est comme si l'ego n'a pas été capable de parfaitement contenir l'énergie puis en a laissé sortir une. Puis tu vas voir que tout de suite, l'individu qui a une conscience psychologique, la décharge énergétique, la canalisation dans son mental, c'est comme si c'est une énergie qui, au lieu de passer puis de résonner avec son esprit, ça fait résonner tout le corps astral. Fait que la personne, elle vient dans un état d'inconfort, elle vit comme un vide temporairement, puis elle pense que t'es fou parce qu'elle n'est pas capable de contenir le vide. Donc, dans le fond, elle voit sa propre peur. T'es pas capable de contenir cette peur-là. Puis ça, c'est intéressant. Puis ça amène justement à raffiner notre parole puis à développer justement une certaine forme de dextérité. D'où les arts martiaux dans la vie généralement. Tu sais, la vie, c'est du kung-fu. Tu fais du kung-fu quand tu parles avec du monde. Tu parles puis tu essaies d'amener quelque chose tranquillement, tranquillement, tranquillement. Tu sais, moi, des gens, ça fait 4-5 ans que je parle avec eux autres. Puis on commence à aller quelque part, là. Ouais, mais c'est toujours de respecter le rythme de l'autre, puis c'est sûr que si on veut aller vite en tant qu'ego, ben ça crée une lourdeur énergétique. Ouais, mais ça, on parle pas. Il y a pas quelqu'un qui est conscient, fait pas ça. Parce qu'il est trop écœuré de souffrir. T'as tellement souffert là, de l'esti d'esprit, là, puis de toute l'information que tu peux te faire acheminer. Écoute, des fois, je vais pisser, là, puis je reçois un livre dans ma tête. T'sais. Je vais pas écrire un livre là, sur, mettons, la nature des trous noirs, parce que je suis en train de pisser, puis là, je suis capable de comprendre les trous noirs en pissant. Mais. Ça sert à rien, mais le problème, c'est la fanatisation par rapport à l'information qui est très vibrante. Fait que là, les gens sont tout excités de recevoir ça parce que c'est normal, ça excite les centres. Fait que là, les centres, la personne a besoin de canaliser cette énergie-là, mais elle n'est pas capable de la décharger de façon cohérente. Elle va décharger ça sur quelqu'un qu'elle vient de rencontrer au restaurant, puis là, la personne au restaurant va tout être toute débalancée par l'information parce que non seulement la personne, l'information qu'elle va dire, est pas ajusté parce qu'elle est tout excitée. Fait qu'il n'y a pas de contrôle, il y a pas de contenance dans le mouvement. C'est un mouvement qui est beaucoup plus genre comme un vomi, là, une décharge, là. Fait que l'autre va vivre un choc, puis la personne qui parle comprendra pas qu'elle parle croche. Fait qu'elle va se dire: Oh là, les gens veulent pas parler de ça, puis personne ne sont intéressés à ce que j'ai à dire. Fait que là, je parle plus à personne. Ouais, c'est ça, la personne va se refermer, puis elle réalisera pas qu'elle crée un choc à l'autre que l'autre n'a pas nécessairement demandé. Elle n'a pas été assez attentif à l'autre. Et ça me ramène au principe de l'amour de l'humain pour l'humain. C'est-à-dire d'être capable d'être présent à l'autre être humain avec lequel on est en situation. La plupart, on va se dire, les vraies choses là, sont très, très loin de là pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas encore assez de contenance dans l'être. Les gens manquent terriblement de contenance, sont pas capables de charger, d'être chargés par quelque chose puis de le décharger instantanément de façon parfaite dans ce qui doit être, genre, canalisé. Tu sais, si moi, mettons, je reçois quelque chose d'intelligent le soir, je l'oublie tout de suite parce que c'est pas important. Mais quelqu'un qui veut mémoriser ça, puis là, il s'alourdit son mental, puis le lendemain matin, il parle de ça avec la première personne à qui il parle parce qu'il n'est pas capable de le garder. C'est difficile au début de recevoir tout ce savoir-là, toute cette énergie-là, puis d'être toujours obligé de fonctionner à bas régime pour pas trop choquer les autres. Moi, je le vis régulièrement. Quand je fais des arts martiaux, là, je peux faire 10, 15 rounds de 3 minutes, puis j'alterne 3, 4 personnes à la fois qui, eux, qui ont tous besoin de prendre des breaks, puis moi, je prends pas de break. Pas besoin de prendre des breaks. Parce que si j'y vais à plein régime, je pourrais pas boxer avec eux autres. Fait que je me mets toujours des handicaps pour être capable de, premièrement, rendre ma vie plus le fun, parce que si je fais juste tamponner mon énergie, c'est de la merde. Je vais me sentir étouffé. Mais si je peux me créer des handicaps, puis en même temps, les autres apprennent quelque chose, puis moi j'apprends quelque chose, mais ben là, tout le monde est gagnant. Mais il faut savoir comment bien générer son énergie, puis bien la canaliser. Savoir que, bon, si tu as beaucoup d'énergie, va faire de l'exercice avant de parler avec ta belle-mère. Parce que si tu as trop d'énergie, puis tu as de la mémoire, si tu ne décharges pas ce trop-plein-là, quand tu vas parler, toutes tes émotions vont remonter à la surface, là, comme un refoulement d'égout, là. Fait que ça, c'est important que les gens, quand ils arrivent et ils communiquent, il y ait un certain calme. Parce que c'est dans le calme que tu canalises. Tu ne canalises pas à partir de la surexcitation ou de l'émotion. L'émotion, ça cache, ça voile totalement l'information qui est juste. Mais quand il y a trop d'énergie dans le système nerveux, il faut que la personne ait des outils pour être capable de bien se recharger puis bien décharger cette énergie-là. Et éventuellement, ben, ça se fait de plus en plus fluide. Tu reçois de l'information, tu la canalises. T'sais. Fait que l'esprit, c'est pas fait pour écrire un livre, mais des fois, ça peut être fait pour justement aller courir un peu dehors, puis après ça, revenir, puis faire qu'est-ce que tu as à faire. T'sais, d'utiliser tous les outils matériels puis mentaux qu'on a pour rendre notre vie beaucoup plus facile. T'sais, être capable de savoir que quand tu as un trop-plein, il ne s'agit pas de t'étouffer dans de la nourriture tout le temps. Des fois, tu peux brûler du gaz. Puis après ça, ben, tu vas avoir plus d'équilibre, tu vas manger, puis tu vas digérer mieux ta nourriture, puis ton plexus solaire ne sera pas rempli puis bloqué bien raide. Oui, exactement. Parce qu'après tout, si on pense à nourriture, beaucoup de gens qui vont manger leurs émotions, c'est-à-dire leur incapacité à gérer adéquatement l'énergie, fait en sorte qu'ils vont se remplir de nourriture. Ça peut être intelligent comme ça peut être pas intelligent. Oh! Parce que manger de la nourriture pour rebalancer son système, c'est très important. Moi, dans mon cas, si, tu sais, moi, je mange une fois par jour en moyenne. Si je mangerais pas, là, tu sais, comme les gens qui tripent sur le jeûne, là, puis ils veulent faire des jeûnes de 21 jours, des affaires de fou de même, c'est correct. Si vous avez la vibration de faire ça, faites-le. Mais à un moment donné, tu es tellement électrique que si tu manges pas, ben, tu dors plus, puis là, tu as de l'énergie tout le temps, puis c'est comme si 24 heures sur 24, tu es éveillé, puis tu es électrifié. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est important pour avoir un bon ground, d'avoir autant des états dans la journée où est-ce que tu es très, très électrique. D'ailleurs, c'est pour ça que je mange pas le jour. Je veux être dynamisé, je veux faire mon travail avec le plus d'énergie possible, puis le plus d'électrification possible pour que ce que je fasse se fasse bien, sans effort, puis que je souffre pas. Mais quand j'arrive chez nous le soir, je me cuisine un bon repas qui est lourd, qui est très riche, puis ça me permet de m'amortir, puis de dormir une nuit de sommeil qui est très, très récupératrice, puis me lever le lendemain matin rechargé. Fait que l'individu devrait tester régulièrement différentes choses pour vérifier qu'est-ce qui peut être bon pour lui, puis qu'est-ce qui ne peut pas être bon pour lui, tu sais. Comme l'autre fois, tu me faisais rire avec ça. Je t'ai encore pogné avec ça, tu vas rire, là. Mais je te présente un jus de légumes avec qui goûte magnifique, qui est rempli de vie, puis tu me dis non. Ça sent pas bon. Je Ben n'avais pas déjà, ça, c'est de l'odeur. l'astral. Ben. C'est de l'astral parce que dans conscience, tu t'essayes. Quelqu'un te présente de la cocaïne, tu l'essayes. Si tu es intelligent, tu vas être capable d'être au-dessus des effets de la cocaïne, l'étudier, puis pouvoir même bénéficier d'une expérience plaisante, mais de rester tout le temps en contrôle parce que tu ne perds pas ton esprit. Mais quand quelqu'un refuse une expérience parce qu'il a peur de perdre son esprit, Il pense qu'il va perdre le Mais ça contrôle et qu'il dépend, n'aime c'est pas parce qu'il ça. peut avoir un refus aussi conscient de l'expérience. C'est-à-dire que la personne va voir en parlant dedans, puis ça lui dit non. Mais là, ça, c'est une autre affaire aussi. Oh, mais ça peut pas dire non pour du jus de légumes. Parce que le corps physique peut juste en bénéficier, puis le mental va en bénéficier à cause que le corps physique est nourri. Fait que c'est pas intelligent. Par contre, ça peut dire non, par exemple, pour être en relation avec une personne en couple, alors que tu sais que ça va créer des problèmes. Tu C'est sais, pas pareil, ça. c'est. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que ça dépend. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est du cas par cas. Ben oui, mais il y a une grosse différence entre te faire présenter une forme une forme qui est enrichissante à tous les niveaux pour ton être, mais que tu n'en es pas conscient parce qu'il y a une crainte à cause qu'il y a de l'inconnu, versus une lecture vibratoire d'un individu qui n'est pas en résonance. Oh oui, Différence. certainement. Mais sur quoi que je voulais mettre l'emphase aujourd'hui, il y a quand même des choses que je me suis ouvert par rapport à toi. Tu sais, à un moment donné, tu m'avais dit, au lieu de soulever 90 livres au leg press, de monter à 180, puis je l'ai essayé. Ouais, mais il faut pas que tu l'essayes. Faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça, puis tu l'amènes plus loin. Tu sais, c'est pas de faire une fois, je sais pas moi, de la corde à danser, puis de dire, OK, je l'ai essayé. Non, faut que tu le maîtrises, puis après ça, tu le jettes aux poubelles si tu as besoin. Les gens, ils vont pas à bout des choses parce qu'ils ont peur de perdre leur temps. C'est ça un gros problème. Ah ouais, mais c'est quoi le but de ça? Il y en a pas de but de ça dans la forme. Le but, c'est dans la vibration. Quand que tu as compris que tu peux mettre 180 puis c'est aussi facile que 90, tu devrais comprendre que tu peux mettre 360. C'est ça que je veux dire. Mais si tu fais, ah, je vais mettre 180 puis je suis capable de faire 180 puis je l'ai essayé, tu as fini, tu as laissé la forme, tu as réfléchi la forme, tu as empêché la forme d'aller plus loin. L'esprit, ça l'amène la forme plus loin. Moi, mon mandat sur Terre, si on peut appeler, on peut dire qu'on a des mandats, mettons, là. Mais moi, c'est scientifique du corps physique puis mental. Fait que moi, je suis à l'étude tout le temps. Je pousse la machine. Mon esprit amène à pousser la machine tout le temps pour voir. Puis après ça, je peux utiliser toutes ces expériences scientifiques-là pour les ramener avec la population, puis servir la population à différents niveaux de où ce qui se situe en problématique physique puis mentale. Mais c'est pas juste d'explorer l'esprit, mais d'explorer l'esprit dans la matière. Puis c'est de toujours amener la forme plus loin jusqu'à saturation. Puis ça, la saturation, c'est pas une décision. À un moment donné, tu t'ennuies. T'as comme fait, bon, j'ai fait le tour, c'est trop facile. C'est pas, j'ai compris, c'est difficile de même, c'est genre, c'est rendu trop facile. Quand quelque chose est rendu trop facile, faut aller à un niveau supérieur. Puis là, quand c'est trop facile, tu vas à un niveau supérieur. Tu me Ouais, suis? oui, je comprends dans le sens que tu vas tout le temps plus loin parce qu'à ce moment-là, tu deviens sous-stimulé après un certain temps. Ouais, puis c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. Tu sais, t'es là, tu pousses la machine. OK, bon, c'est beau, tu fais des répétitions à cette intensité-là. Puis là, tu montes l'intensité, puis tu montes l'intensité, puis tu montes l'intensité, puis tu fais que tabarnak, il se passe quelque chose ici, là. Puis à un moment donné, là, t'arrives, là, dans des niveaux d'intensité où est-ce que t'es tellement. T'as conscience de ton être physique jusque dans la moelle osseuse. Tu sens la vibration dans ta moelle osseuse. Il y a les muscles profonds, tout est éveillé là, dans ton corps. C'est un sentiment qui est absolument phénoménal. Puis ça, c'est directement relié avec l'intimité de l'individu, avec l'esprit. Parce que plus tu ressens le corps physique, plus tu te rapproches de l'esprit essentiellement. C'est pour ça que le monde sont dosés sur les sports extrêmes puis toutes les sensations fortes. Parce que tu viens à un moment donné à un état qui a tellement d'intensité qu'il y a une saturation puis un arrêt du temps. C'est dans l'arrêt du temps que là, il y a un repos. Puis là, tu es à pleine intensité, là, mais en dedans, là, dans le mental, c'est calme. C'est comme un lac le matin là, dans l'ouest. Il y a pas une. C'est comme un miroir. Mais le corps, lui, est agité au maximum, mais en dedans, c'est calme, calme, calme. Puis ça, c'est un état de maîtrise. Quand quelqu'un est capable de se battre, puis de générer, puis faire plein d'affaires, manger des coups, mais à l'intérieur, c'est comme un lac bien calme, ou quelqu'un qui peut générer une colère mentale à travers la parole, crier de toutes ses forces, mais en dedans, ça rit, puis ça se prend pas au sérieux, là, on peut parler de puissance. Oui, exactement. Sinon, en fait, je voulais te mentionner que dans mon cas, j'ai fait dans les derniers jours, là, puis tu m'as coaché là, au niveau du tapis, j'en ai fait pendant 4 jours consécutifs. Puis tu m'as amené à travers ça à réaliser qu'à quelque part, ben, j'avais plus d'énergie que je pensais. Tu sais, j'avais tendance à me sous-estimer, puis finalement, j'ai pas eu besoin de période de repos. Puis je suis retourné faire du tapis. Puis quand on s'était vu jeudi passé, tu m'avais amené à faire à peu près 3 km. Aujourd'hui, j'en ai fait 6,75. Ça fait que il y a un développement, c'est sûr, à court terme que je fais. C'est sûr que je verrai dans les prochains mois. Mais c'est intéressant comme expérience de confronter, parce que moi, j'avais des craintes par rapport à mon corps qui, à un moment donné, ne suivrait plus. Puis ça m'a permis de dépasser ça, cette expérience-là. Puis ça m'a réalisé aussi, fait réaliser qu'il y avait certaines craintes ou pensées qui étaient futiles, que je nourrissais depuis le passé. Puis j'ai plus d'énergie aussi, plus de vitalité, puis je mange de manière végétarienne. Ça m'a fait dépasser aussi la crainte, parce que j'avais une personne que je connaissais, elle disait « Ah, ben là, si tu manges pas des protéines, puis tu t'entraînes, à un moment donné, tu vas faiblir. » Mais non, j'étais capable de m'entraîner 4 jours consécutifs, puis j'ai pas eu ce problème-là. Fait que ça m'a permis, ça m'a donné une mesure. Tu sais, tantôt, on parlait de se mesurer par rapport à soi-même. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, cette expérience-là, puis je la partage aux gens parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui auraient envie de dépasser les limites puis d'aller plus loin en termes d'entraînement, aller toucher à la zone d'inconnu qu'on parlait tantôt, ben c'est sûr que ça peut être bien là, par rapport à ça. Faites-le même pas pour votre corps, faites-le pour tester votre esprit. Tester votre esprit. Tu peux pas mesurer quelqu'un quand ça va bien. Comment tu veux voir la nature de l'homme quand ça va bien? Quand ça va bien, il n'est pas testé. Il est dans une période de repos, il est dans une période d'expansion ou de contraction sur lui-même. Fait qu'il est bien, là, tu sais, il est correct, tout va bien, puis il a des belles conversations, puis il parle bien. Mais quand il apprend qu'il a le cancer, puis que sa blonde vient de se faire frapper par un char, s'il est encore bien comme il est, puis il est capable de traiter de façon intelligente avec tout ce qui se passe dans sa vie, puis toutes les choses qu'il a à faire par rapport aux événements, là, tu peux dire, ah, ben ça, c'est un être qui est en contrôle, qui a de la contenance. Mais tu peux pas voir, tu sais. C'est pour ça que les gens aiment pas ça aller s'entraîner, parce qu'ils ont pas le choix de faire face à la réalité. Tu sais, quand tu cours sur un tapis roulant, puis t'as un gars qui court à côté de toi au double de ta vitesse, t'es obligé de réaliser que t'es pas en forme, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que l'ego, il attribue de la valeur à toutes les formes. Fait que là, quand il reçoit « Hostie, je suis pas en forme », là, il dit « Ouais, hostie, je suis pas en forme », puis là, il achète ça, puis en achetant ça, il peut s'acheter un break. Parce que faut comprendre ça, hein. Quand on accepte une excuse, on s'achète un break, on veut se reposer. C'est qu'on n'a pas encore assez d'énergie pour être capable de l'encaisser, ça, puis de continuer d'avancer avec ça, puis de faire « Ah non, non, non, non, je suis pas en forme, on s'en calisse, tu tabarnak, moi je vais… » Lui, là, il court à 21 km à l'heure, là. Moi, je vais courir à 10, là, mais je vais tellement mettre mon cœur dedans que le gars à 21 km à l'heure va avoir l'air d'un esti de fif à côté de moi. Bon, c'est honnête. Tu vas te dire, dans la forme, ça a l'air d'être égocentrique, mais il y a quand même un mouvement de l'avant là-dedans qui est vraiment particulier, parce que moi, j'aime bien mieux voir un athlète qui est moins talentueux, mais qui a tout son être dans ce qu'il fait, qu'un être super talentueux qui fonctionne à 25-30% de son intensité puis qui dépasse toutes les autres puis qui a l'air bien cool, mais tu vois pas son être réel là-dedans. C'est ça qui est le problème. Tandis que quelqu'un qui a pas le talent mais qui est au maximum de son petit verre plein, c'est beau en crisse, là. Fait que, t'sais, moi, ça a toujours été ça, j'essayais de faire avec le monde, dire, ouais, mais tu sais, même si t'es pas là, c'est pas grave, essaye pas d'être ailleurs. Vis pleinement, à plus grande intensité, ton niveau de performance que t'as en ce moment. Puis déjà, tu vas toucher à ton esprit, puis déjà, tu vas te sentir en puissance, même si tes qualifications physiques ne rencontrent pas les standards de la société. On s'en tabarnak de ça n'a aucune valeur, anyway, parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous autres dans n'importe quoi. T'sais, regarde n'importe quel champion du monde de n'importe quelle discipline, n'importe quel Olympien s'est fait dépasser éventuellement. Quelqu'un d'autre a pris sa place. C'est normal, c'est la nature de l'impermanence. Mais l'esprit, par exemple, quand il se manifeste dans l'action, ça, c'est permanent. Puis une fois que ça devient permanent, l'individu ne recherche plus rien. S'il a besoin de travailler 25 ans, 10 ans, n'importe combien de temps dans une forme pour la raffiner, il s'en fout parce qu'il est déjà à plein régime. Être à plein régime, c'est pas au niveau de la performance, c'est au niveau de l'engagement de l'ego face à son esprit, face à son action. C'est là qu'on peut vraiment, vraiment parler de conscience, selon moi. Ben, ça revient au principe que c'est l'individu par rapport à lui-même. Ouais, mais pas un par rapport à lui-même, là, parce que beaucoup de monde sont là, ils vont venir te voir au gym, mais moi, je fais ça pour moi. Ben Je fais oui. de l'entraînement, je fais ça pour moi. Ouais, Ben mais oui. quand tu les écoutes parler, là, c'est tu fais ça pour moi. mais c'est qui ça, moi? Tu comprends? Quelqu'un qui dit, quelqu'un de conscient dit pas ça, je fais ça pour moi. J'aime ça. J'aime ça. C'est tout. Non, mais j'aime je ça. Veux dire, il le fait pas pour le voisin, tu sais. Ouais, mais au début, quelqu'un de bien inconscient, il va faire ça pour les autres, OK? Il le dira pas, mais il le fait pour les autres. Mais quand tu te dis, t'es rendu au stade, je fais ça pour moi, c'est qu'il y a un petit peu plus d'individualité, mais la personne fonctionne encore à partir du jeu. Fait que le mouvement n'est pas encore parfait. Il y a encore une recherche d'identité dans ce qu'il fait. Je fais ça pour moi. Je veux m'impressionner. Je veux impressionner l'entité qui sous-tend le jeu. Pour me mesurer puis me vérifier par rapport à où je me positionne. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, il peut avoir une réflexion par rapport à ça. Mais si la personne est fusionnée avec l'esprit, le jeu peut être en relation avec la manifestation de l'esprit dans sa parole. Oui, mais ça va se sentir. Oui, quelqu'un qui dit qu'il fait ça pour lui, c'est un petit peu comme quand on dit « je t'aime ». Tu peux dire « je t'aime » à différentes choses, puis ça n'aura pas la même vibration selon le moment ou l'intensité avec lequel tu le dis. « Je t'aime », ça n'a aucune vibration. « Je t'aime », c'est comme du mort. C'est... « Je t'aime », ça n'a plus de... Non, non, mais parce je veux que dire, quand ça t'es dans dépend l'esprit, si c'est là, je t'aime, c'est pas un je t'aime, c'est juste, je te fais peur qu'il y a de l'énergie qui passe à travers moi en ce moment. Ça donne que c'est la vibration de l'amour. Mais dans l'esprit, puis ça, c'est quelque chose qui est difficile des gens qui font faire le passage dans cette conscience-là, c'est que c'est un amour qui est extrêmement froid. Fait quand même, à un point, on dirait que l'ego, il se trouve ça plate. T'sais. Il est comme, hein, je trippe plus sur les filles ou je trippe, je suis plus genre en amour. T'es juste dans un état tout le temps pareil, mais c'est un état qui est tellement haut en vibration que l'état de l'amour, il est comme subalterne. Fait que t'es comme plus capable d'aller là, mais on dirait que t'as encore la mémoire que tu pourrais y aller, puis tu t'ennuies. À un moment donné, tu montes tellement haut que tu te rappelles même plus c'est quoi. T'sais, moi, je me rappelle même plus c'est quoi aimer avec des émotions. T'sais, j'aime, mais si tu me déranges, tu vas le savoir tout de suite. Comprends-tu? T'sais, c'est comme, je t'aime ouais. Dans la mesure où ce que tu respectes mes besoins. Oui, ouais, ben, c'est parce que c'est un principe de l'amour à ce moment-là qui est manifesté en affinité avec celui de l'intelligence. Mais c'est parce que c'est pas un mouvement qui est égoïque, c'est pas je t'aime, c'est en ce moment, je sens qu'il y a de l'amour qui vibre dans mes sens, puis là, si la personne commence à essayer de t'attacher ou de te contrôler ou de t'empêcher ton mouvement, là, il n'y a plus d'amour qui passe dans tes centres. Il y a une froideur qui s'installe. Puis là, tu es obligé de communiquer avec l'autre pour que l'autre s'ajuste. Puis là, si l'autre s'ajuste, ben l'amour revient dans tes centres parce que là, il y a une résonance. Tu peux être en résonance avec l'autre. Puis si l'autre ne comprend pas, ben là, il y a une froideur qui s'installe. Puis éventuellement, tu es obligé de quitter. Mais ça n'a jamais été un mouvement qui était fait à partir du conditionnement de l'âme. C'est un mouvement qui est intelligent, tu sais, c'est prépersonnel. C'est genre, je ressens de l'énergie, de la vibration de l'amour qui passe, puis est là, puis je peux pas te dire si ça va rester là pendant 25 ans ou 2 semaines ou 2 minutes, mais elle est là. Il y a un désajustement entre les deux esprits parce qu'il y a de la mémoire entre les deux, il y a du pire esprit. Puis là, il faut brûler le pire esprit à travers la communication, puis après ça, l'action basée sur qu'est-ce qu'il faut changer. Puis là, si les deux respectent l'esprit, ben ils vont se remettre en résonance l'un avec l'autre. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours une des deux parties qui n'est pas capable d'être totalement dans son esprit, fait qu'elle finit toujours par se faire récupérer, puis éventuellement s'épuise. Parce que non seulement elle n'est pas capable de comprendre ce qu'elle a fait de pas correct, mais elle n'est pas capable d'accepter que c'est elle qui n'est pas correcte, fait que ça devient difficile. Mais encore là, l'affaire de pas correct, c'est une forme, tu sais, on peut tout simplement... Pas correct, pas ajusté. C'est ça, c'est parce qu'elle a un décalage vibratoire par rapport à l'autre. Mais il est malgré elle, tu sais, la personne, c'est malgré elle. C'est ça, elle peut pas rien faire dans le sens que si elle est pas mise en vibration pour changer, ben, comme il y a pas de libre-arbitre, ben, son taux vibratoire changera pas par magie, là. C'est ça, là. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui souffre, justement, du couple, puis de certaines affaires, tu sais, c'est comme... Il y a des gens qui auraient tellement aimé ça jouer de la guitare, mais ils ont des petits doigts, puis ils l'ont pas, tu sais, ils l'ont pas. T'es pas ici pour ça, mais tu sais, l'âme, elle veut jouer de la guitare! Christ, que je voudrais être bon à la guitare! Puis là, tu regardes un gars comme Estastoné, là, sur YouTube, là, puis il joue de la guitare, tu sais, puis tu penses que c'est quasiment fait à l'ordinateur tellement il va vite, mais tu sais, Il est programmé pour ça. Fait que, tu sais, il faut que l'individu, au lieu de résister constamment à la réalité, il faut qu'il soit capable de faire, bon, OK, j'ai tout fait pour être le meilleur que j'ai pu là-dedans, mais ça marche pas. Je vais explorer quelque chose de nouveau. Mais il faut que la personne soit allée à saturation, par exemple. Tu sais, c'est comme quand on revient au couple. Moi, Ouais. mettons, quand j'étais en couple, je faisais toujours, toujours, toujours tout ce qu'il fallait pour que si le couple allait à s'arrêter, j'avais aucun regret parce que j'avais tout fait pour communiquer, pour changer, pour faire ce que je pouvais dans la mesure du respect de mes besoins avec l'autre. Mais là, quand j'étais rendu où ce qu'il fallait que je travestisse mon identité pour rester avec elle, ben j'ai été obligé de mettre fin. Puis en mettant fin, ça se fait de façon très très fluide. Là, il y a pas de conflit, il y a pas de haine. Tu revois la personne après, puis on dirait que les deux comprennent que bon, le temps était terminé. Fait que c'est terminé. Exactement, mais l'intégration de cette conscience-là a changé ton rapport à la femme et au couple. Ben oui, c'est évident parce que quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, ben c'est difficile pour lui d'être attaché. Ça veut pas dire qu'il s'engage pas face à une personne. Moi, c'est évident que si je suis en couple avec une femme, cette femme-là va avoir l'exclusivité parce que la raison que je suis en couple avec elle, c'est déjà parce qu'elle a un taux vibratoire suffisamment élevé, normalement plus élevé que toutes les autres femmes autour de moi parce que sinon je serais qu'une autre femme, pour vivre une expérience présente. Puis aller au bout. Mais la durée, ça, on le sait pas. Puis je suis pas intéressé à savoir la durée. Puis s'il y a des gens qui commencent à vouloir forcer des réponses puis d'avoir les durées, soit ils vont se faire crosser, ils vont se faire nourrir un char de marde, ou bien ils vont recevoir l'information précise puis ça va leur mettre les batteries à terre. Oui, mais ça sert à quoi que je m'investisse pendant 2 mois si ça va juste durer 2 mois? Ça n'a rien à voir que ça va durer 2 mois. Il s'agit pas de s'investir 2 mois, il s'agit de s'investir. Il s'agit de s'investir. C'est quand je dis s'investir, ça veut dire s'investir dans ce qu'on fait. Fait que si t'es en couple, ta vibration, tu vas au bout. Une fois que t'es allé au bout, tu passes à d'autres choses. Sinon, on parle d'un processus réflexif, psychologique, égocentrique, de je, ah ben je vois qu'on pourra pas avoir d'enfant, donc je te laisse. Ouais, ça, c'est pas intelligent parce que tu vas te ramasser un autre gars, puis là, tu vas être obligé de revivre l'expérience. Puis la vie te crissera pas, Ben, ça elle va pas dépend. te laisser Peut-être tranquille. qu'elle va mettre la personne en contact avec une autre qui va avoir des enfants, tu sais. Ouais, mais tu vas quand même vivre l'opposition avec cette personne-là pour comprendre que tu as une illusion par rapport à avoir des enfants. Ben, ça dépend. Ça peut être une réalité. Une personne peut être réellement mise en vibration pour avoir des enfants. Puis si elle voit que l'autre, ça marche pas, avec une, ça marche pas, elle persévère dans son mouvement pour se trouver un partenaire qui va aller dans le même sens. Ouais, mais il faut que tu saches si le relationnel est terminé, par exemple. Ouais, c'est une nuance importante, là, c'est sûr. Parce que si la personne a peur de perdre du temps, ça veut dire qu'elle a l'illusion du libre arbitre, elle a l'impression qu'elle contrôle, ben elle va s'en aller, elle va faire ah oh non! Mais ça, c'est un mouvement naturellement, c'est un test, ça. Parce que si la personne avait suffisamment d'esprit, puis elle recevrait, il faut que je rencontre un autre gars qui veut des enfants, elle pourrait vérifier l'information, puis la source de cette pensée-là, puis voir si c'est réel ou c'est pas réel. Puis pour vérifier si c'est réel ou pas réel, il faut que tu continues à vivre avec la personne que tu es en couple, puis tu continues de parler avec pour vraiment être sûr et certain totalement que c'est le cas, puis là, tu peux t'en aller. Puis la personne va avoir la mesure de la réalité de son mouvement après, anyway. Parce que si tu pars, puis là, tu fais, ah, si j'aurais dû rester, je réalise que ça, c'était. Là, tu t'es fait fourrer. Fait que là, tu vas être un petit peu plus ajusté pour la prochaine relation, puis ça va faire moins de faux pas. Tu avances un peu plus de façon parfaite. Puis là, tranquillement, ça se raffine. Puis là, tu as des relations qui sont de plus en plus ajustées puis saines. Mais j'entrevois pas pour beaucoup de gens de notre génération. Moi, j'ai 29 ans, là. Toi, c'est vrai que tu es un petit peu plus vieux que moi. 38. Mais les gens qui sont dans le début vingtaine, là, des relations de 25 ans, 30 ans, 40 ans, ça va vite, là, l'intégration de la nouvelle race, là. Fait que je serais surpris de voir ça, des couples qui vont durer aussi. Il va en avoir encore, là, mais ça sera pas une majorité comme on a vu dans l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, là. Ouais, mais c'est sûr que dans le passé, les changements vibratoires se faisaient plus lentement, ce qui veut dire que tu vas être à l'unisson avec le taux vibratoire d'une personne pendant plus longtemps, tandis que là, si ton taux change, le taux de change de l'autre, le décalage vibratoire peut venir plus rapidement. Ouais, exact. Puis il y avait aussi, ben c'est sûr, le conditionnement social qui était là. Donc, les gens restaient ensemble pour le meilleur et pour le pire, comme disait l'adage de la religion. Quand que le pire arrivait, ben, tu avais des gens qui enduraient un partenaire désagréable, qui pouvait être violent, violence physique, psychologique, ainsi de suite. Puis ça a été le calvaire de beaucoup de personnes dans le passé qui ont resté dans des couples qui leur occasionnaient de la souffrance parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller au-delà du quotient social parce que c'était mal vu, par exemple, une femme qui divorce dans le passé. Ouais. Il y a quelque chose de bon, par exemple, là-dedans, pour le meilleur et pour le pire, quand on est capable de le nuancer un peu, parce que, tu sais, quand tu regardes ça pour le meilleur et pour le pire, à partir de l'esprit, ce que ça veut dire, c'est que même dans des chocs oppositionnels importants, si tu as assez de clairvoyance, tu vas être capable de voir que c'est une passe difficile, fait que tu vas rester. La jeune génération aujourd'hui, la minute qu'il y a une passe difficile, tac, ils changent de personne. Choc, ils changent de personne. Dès qu'ils sont confrontés à une crainte ou à une forme qui leur fait pas leur affaire, ils sautent rapidement. Je dis pas que c'est de même pour tout le monde, mais beaucoup de gens aujourd'hui sautent rapidement à une autre personne, puis ils vont pas au bout de ce qu'ils peuvent aller chercher avec une personne. Puis ça, dans le pour le meilleur et pour le pire, si on pourrait l'ajuster pour le temps présent, je dirais que c'est vraiment quand ça va bien, profitez-en. Quand ça va mal, assurez-vous que ça va pas mal à cause de vous autres. Tu sais, si Ouais. ça va mal à cause de l'autre, parce que l'autre est vraiment pas ajusté puis il est irrécupérable, c'est évident que tu crisses ton camp de là. Mais si tu t'en vas parce que tu vis un peu de confrontation puis ton orgueil est touché, tu j'imagine le gars, sa blonde lui dit « Ah, tabarnak, tu te laisses tout le temps traîner, puis ta-ta-ta, puis ta-ta-ta, puis tu fais pas ça, puis tu contribues pas, puis le gars il dit « Ah ben, c'est une crise de folle, essaye de me contrôler, moi je m'en vais. » Alors, Chris, tu pourrais peut-être t'ajuster puis te faire, bon, c'est vrai, peut-être que je fais pas assez dans la maison, on va en faire un peu plus. Puis là, si t'en fais un peu plus, puis à un moment donné, t'es arrivé à ta capacité, parce qu'on s'entend, tout le monde a un travail, fait que tu travailles, tu rentres, puis à un moment donné, tu vois que tu fais beaucoup de tâches, t'es saturé, là, tu commences à empiéter sur tes besoins de repos, puis là, ta femme, elle te lâche pas, là, encore, là. Puis toi, tu te dis, ben là, écoute, chérie, je t'aboue, là, je peux pas faire plus que ça pour le moment. Et je travaille, les enfants, je suis à côté. Puis là, si elle continue à te charger, puis à te charger, puis que c'était récupérable, il n'y a pas de conversation qui peut la remettre à son niveau, ben là, tu es obligé de tranquillement faire des changements ou éventuellement peut-être sortir d'une relation comme ça, parce que là, il y a de la névrose qui s'est installée dans la femme. Ou bien autant pour l'homme, tu sais, si l'homme, il est rendu où est-ce qu'il s'occupe pas de sa femme, puis il est tout le temps parti, puis il fait de l'évitement de la maison, il ne veut pas s'occuper des enfants. La femme, c'est son devoir de dire à l'homme, hey, tabarnak, là, on a eu des enfants ensemble, là. Ça serait important que tu respectes ta part des responsabilités puis que tu contribues dans la famille. Je te demande que ça soit au moins égal, égal. Fait que s'il y en a un qui contribue plus financièrement ou que l'autre a plus de temps, ben, tu sais, vous trouvez un juste milieu dans qu'est-ce qui est confortable pour les deux parties. Puis si l'homme, ben, il n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'il a à faire pour prendre ses responsabilités, mais la femme, elle devrait avoir la force éventuellement à se développer, de dire « Hey, t'es tabarnak de Christ, moi je prends les enfants, je m'en vais. » Puis si lui ne vit pas un choc suffisamment grand pour se réajuster, ben, calice, ça a été le meilleur move que tu pouvais faire. Mais tu sais, on revient à notre sujet du début, ça prend un bon système nerveux pour faire ça. Parce qu'il faut que tu sois capable de dire « Moi là, je n'ai eu assez, l'esprit n'a eu assez, on s'en va. Tu prends tes enfants, les chars, tu mets les affaires dans le char, puis tu pars, puis tu sais pas où tu vas là. » Là, il faut que tu sois torqué en crise. Fait que beaucoup de gens vont continuer à vivre des relations souffrantes puis une vie souffrante dans leur corps physique parce qu'ils sont pas capables d'avoir la souffrance psychique suffisamment aiguë pour dire là, c'est assez. Je sais pas où je vais, là, mais ça va être mieux que ça. Ben c'est Ça, ça, c'est une c'est grande force. exactement, mais c'est très rare les gens qui ont cette force de volonté qui leur permet de se mettre en action instantanément. C'est normal parce qu'il n'y a pas assez d'équilibre. Il faut que on enracine d'abord notre énergie dans le corps physique pour que le corps physique soit mobile. Plus le corps physique est mobile, plus l'esprit peut être mobile. C'est très difficile d'être mobile dans l'esprit si le corps physique l'est pas parce que ça devient tout comme c'est comme des artifices. L'esprit, c'est là tu vois, ah, je vois des entités, puis je vois ci, puis je vois des maîtres, mais tu te fais tout blindfolder à savoir qu'est-ce que tu devrais agir physiquement. Fait que, tu sais, moi, j'en ai un ami là, qui est très spirituel, là, qui faisait du combat avec moi, puis éventuellement, il a switché. Et là, ça a été trop de confrontation, fait que là, il est allé se conforter dans quelque chose de plus confortable pour lui, qui répond plus à son besoin de douceur, puis de yin. Puis c'est correct, je le respecte pour ça, il a le droit. Mais il n'est pas capable de l'assumer, par exemple. Puis ça devient une problématique. Quelqu'un devrait être capable de dire, j'ai atteint ma limite. Éventuellement, là, je ne dis pas que tout le monde devrait vous forcer, mais je dis éventuellement, l'être peut être capable de dire, j'ai atteint ma limite. Écoute, j'ai dit, moi, je boxe avec toi, ça me fait mal, puis mon corps n'est pas entraîné, puis je trouve ça très dur, puis ça commence à me créer un stress, fait que je vais arrêter pendant une période de temps. Puis l'individu, s'il était capable de faire ça, réaliserait la puissance qu'il y a là-dedans. Au contraire de ce que l'ego peut penser, puis dire, ah, ben là, je vais démontrer de la faiblesse. Dans le fond, tu ne démontres pas de la faiblesse quand tu es capable de voir parfaitement ton besoin puis d'y répondre. Ça, c'est de la puissance. Si tu as un besoin de repos, puis tu es capable de dire, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de douceur, c'est déjà un signe de puissance puis de connaissance de soi. Exactement. Donc, l'ego a pas à avoir peur de perdre la face en disant ça. Non, mais le problème, c'est qu'il réalise pas l'ego quand que il se fait à croire que c'est pas à cause de ça. Tu sais, mettons, je vais prendre cet exemple-là, c'est plus concret. Lui, ah, oh, c'est parce que j'ai pas le temps. Ah, oh, c'est parce que ça donne pas. Hey, tabarnak, ça donne pas. T'as 2 minutes de chez vous, Chris, à pied. Ça donne pas. C'est dans ton entrée. T'sais, oui, ça donne. C'est que tu veux pas. C'est correct. T'as le droit. Mais ça, là, c'est quelque chose que j'amène beaucoup mes clients à faire. Dis les vraies affaires. T'aimes pas ça? Dis-le. Et dis pourquoi aussi. Puis teste-le. T'aimes pas quelque chose? C'est-tu parce que tu l'as vérifié ou tu l'as pas vérifié, t'aimes pas ça parce que dans le fond, c'est une crainte. Tu sais, il faut être clair avec nous-mêmes. Si on n'est pas clair avec nous-mêmes, puis on le voit beaucoup dans le langage que les gens vont parler, le langage, il cache beaucoup d'affaires. Quelqu'un peut dire beaucoup de mots, dire beaucoup d'affaires pour essayer de comme t'envirlopper puis te faire perdre le nord. Mais quand tu as la lecture vibratoire de l'autre, tu vois que c'est de la honte. Il y a une communication. Au lieu d'être franche, transparente, réelle, en puissance, c'est j'ai honte de ne pas y aller, mais je suis pas capable de te le dire. Je ne suis pas capable d'assumer mon mouvement. Je ne suis pas capable d'accepter que je suis faible. Je suis pas capable d'arrêter puis revenir quand c'est le temps. J'arrête totalement, puis après ça, je me décompose physiquement, puis là, j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est comme si des fois, tu peux. Oui, c'est beau d'arrêter. Mais il faut que tu saches quand c'est le temps de repartir aussi. Non, exactement, mais c'est très rare les gens qui sont transparents puis qui sont capables de mettre leur ego sur la table pour regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis il y en a beaucoup qui sont dans le déni, qui préfèrent vivre dans le mensonge, puis dans l'ignorance en fait de c'est quoi leurs besoins parce que à quelque part ils veulent pas s'assumer. C'est pas ils veulent pas s'assumer, ils ne peuvent pas s'assumer. Oh! De quoi? Oh! Oh! Ils Oh! veulent pas Ben s'assumer, ça ils ont le dépend. libre arbitre, ils ne peuvent pas réalité. Donc, autrement dit, la personne qui pour reprendre ton exemple, qui n'est pas capable de dire en pleine face qu'il ne veut pas s'entraîner, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas assez de volonté pour. Il n'y a pas de feu. Ouais. L'individu, il faut qu'il ait été mis beaucoup en friction dans son existence puis dans ses vies antérieures pour avoir développé un feu cosmique qui est assez grand pour dépasser justement ces limitations-là. Tu sais, moi, les gens souvent me font des compliments sur ma force puis sur ci puis sur ça à tous les niveaux. Puis je suis obligé toujours de leur dire, écoute, c'est pas de ma faute. J'ai pas demandé ça, moi. Je suis né de même. Quand je suis arrivé sur la Terre, je mangeais des volets puis j'étais déjà capable de me tenir debout. Fait que tu sais, j'étais pas conscient que j'étais conscient, mais je savais que plus bas tu me descendais dans le fond du baril, plus haut je remontais. Puis ça, j'ai été testé dans ma vie au niveau physique, au niveau relationnel, au niveau des parents, au niveau du couple. J'ai été testé là, à tous les niveaux, là, les plus bas fonds là, des abysses de ta conscience, là, des parties noires infinies, là, remplies de peur, puis de crainte, puis de vide total, là, une folie, là. D'être capable de rebondir de tout ça avec une puissance puis une clarté. Ça, c'est pas un mouvement d'ego, c'est comme un mouvement qui est conséquentiel à l'habitation de l'esprit dans l'être. Puis c'est pour ça que c'est difficile des fois de traiter avec des gens parce que les gens pensent que tu te prends pour un autre. Mais quand quelqu'un sait quelque chose, il sait quelque chose. Puis si tu parles avec une personne puis qu'elle dit ah, oh, tu te prends pour qui pour dire ça? Si tout ce que toi tu réponds, c'est tu te prends pour qui pour dire ça, déjà la personne qui est en avant de toi est plus intelligente que toi. Fait que l'ego, c'est clair qu'il n'est pas capable de l'absorber, mais quelqu'un d'intelligent qui parle avec quelqu'un d'intelligent, c'est pas pour qui c'est que tu te prends pour parler de même, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Moi, un pourquoi, là. Tu peux en faire quatre pourquoi. On est toujours à quatre pourquoi de mettre quelqu'un en calice. Tu remarqueras, c'est facile de faire. Quand tu essaies de révéler les entités que les gens ont, là, tu fais juste des pourquoi. Pourquoi ça révèle l'entité? Parce que quand tu arrives à l'entité, la personne va vivre une frustration, va vivre une émotion. Il y en a, ils s'écroulent, puis il y en a d'autres, ils se mettent en opposition, puis il y en a d'autres qu'ils vivent comme un vide. Parce que là, l'entité est dévoilée, puis elle se cache, puis elle devient silencieuse, fait que là, on n'a plus de réponse. Ils ne reçoivent plus rien, là. Ouais, mais c'est ça, l'entité peut couper le contact, puis c'est là Oh, elle fait, l'importance. je suis parti! Je suis pas là! Tu sais, tu comprends? Fait que Ouais. le pourquoi, quelqu'un qui est intelligent, il pose des questions. Exactement. C'est sûr que la personne peut se questionner pour explorer en profondeur qu'est-ce qui se passe au lieu de rester en surface au niveau de la forme. Fait que Ben oui, c'est sûr mais qu'après. c'est. Ouais. Vas-y, excuse, vas-y. Mais c'est sûr qu'en effet, la question, c'est un bel outil pour faire du dévoilement psychique. La question, il faut que ça soit utilisé avec l'homme, face à l'homme, pas avec les plans. Idéalement. Ben, ça peut être les deux. Ouais. Si tu es au point où est-ce que tu poses des questions à ton esprit, là, tu es encore dans une possibilité de te faire fourrer. Mais Tu l'individu qui se devrais conscientise recevoir aussi la peut question puis la te vibration en même désinformer temps. aussi. Ouais, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je veux te dire, les questions, c'est pour les hommes. Si tu as une personne en avant de toi qui dit une information qui n'est pas ajustée, tu veux vérifier si toi, tu sais ou c'est elle qui sait. Fait que tu poses des questions. Moi, quand je pose des questions à quelqu'un, c'est jamais dans le but de démontrer que l'autre sait rien. C'est toujours pour vérifier où je me positionne. Parce que si je pose 8 questions, puis il y a encore des réponses, puis sont encore plus intelligentes que je pensais, ben je réalise que j'ai une personne très intelligente en avant de moi, donc je vais exploiter son intelligence. Mais de poser des questions peut être interprété par la personne ou son entité comme si tu essaierais de la mettre en boîte. Seulement si elle est manipulée. C'est ça. Si t'es Mais. pas manipulé par l'astral, tu vas jamais, jamais. Tu pourras pas avoir peur d'être. Le mettre en boîte, ça n'existe pas. Parce que c'est infini les réponses. La seule affaire qui va m'empêcher de te répondre à quelque chose, c'est une absence de question. Tu me poses une question, j'ai une réponse. Ça se peut que ma réponse soit pas parfaite, pas ajustée. Il va peut-être manquer quelque chose. Mais si toi, t'es plus intelligent que moi, c'est ton travail. Ça devrait même pas être, tu devrais même pas faire d'efforts, ça devrait se faire tout seul. Tu devrais dire, oui, t'as-tu pensé à ça? Ça vient tout seul, tu sais, mais t'as-tu pensé à ça? Ah, non, j'avais pas pensé à ça. Ah, ben, ah, Christ! Puis là, les deux, vous êtes dynamisés pour aller un peu plus loin chacun de votre bord. Parce que lui, qui a plus d'esprit, qui se fait poser des questions, il est obligé d'arracher l'information. Puis l'autre, il apprend, il bénéficie de l'esprit de l'autre. Puis là, tu bénéficies aussi de l'esprit d'une personne qui a des bonnes questions. Ça, c'est le fun aussi. Oui, c'est ça, il y a une complémentarité psychique entre les deux qui se crée, qui fait en sorte que les deux personnes sont plus intelligentes ensemble que tout seul. C'est ça. Ça n'a pas le choix parce que là, les deux esprits sont mis en résonance, puis là, ça croît. Fait que ça grandit de plus en plus. Mais ouais, ça, c'est intéressant, ça. T'es à 4 questions de mettre quelqu'un en calice. Je trouvais ça drôle. Ouais, c'est une expression qui est drôle, mais en réalité, dans l'exploration, parce que les questions, ça favorise l'exploration puis l'introspection, il y a très peu de gens qui veulent aller dans cette zone-là parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. C'est ça l'affaire. Ouais, mais ils devraient pas aller trop trop là-dedans de façon psychologique parce qu'ils n'ont pas assez des racines profondes pour faire ça. Pour ça, quand tu te prends quelqu'un là, pis tu le fais fumer du cannabis là, tu vois la personne là, puis là, les yeux dans la graisse de bine, puis elle ronge ses ongles, là, tu fais bon, cette personne-là pense trop là. C'est pas le temps pour elle de faire ces drogues-là. Là. Fait que tu la mets en mouvement, là tu y construis un système, puis à un moment donné, un système à plus de contenance, ça fait de la drogue, elle peut bénéficier de l'expérience, exemple. Fait que c'est comme, il y a des affaires qui sont des préalables, tu sais. Tu peux pas, mettons, amener quelqu'un à poser 12 000 questions quand il n'a même pas la force mentale de répondre à une question par lui-même, tu sais. C'est déjà trop, là. Oui, ben c'est sûr qu'il faut respecter le rythme évolutif de la personne avec laquelle on est en contact. On peut pas brusquer des étapes non plus, là. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, c'est comme. Ah, je l'ai perdu. Pas grave. Si c'est intelligent, ça va revenir, inquiète-toi pas. Ouais. Mais je voulais relancer la discussion parce que tu fais beaucoup d'activités physiques. J'étais curieux de voir avec toi là, une semaine typique en termes d'entraînement, ça ressemblerait à quoi? Ben moi, tu sais, dans le fond, ma programmation fait en sorte que je suis beaucoup, beaucoup empêché de pouvoir aller à plein régime physiquement parce que j'ai des contraintes de temps de travail par rapport, mettons, à ma clientèle puis par rapport où je travaille, au gym. Fait que moi, je suis forcé de m'entraîner, mettons, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, un en arrière de l'autre, à très haute intensité parce que c'est souvent des journées que j'ai plus de temps. Puis le mercredi, le matin, après avoir pris des clients, puis je fais un training qui est un peu plus comme compressé parce que j'ai une contrainte de temps. Puis ça m'agresse beaucoup. Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps devant moi quand je m'entraîne parce que quand je m'entraîne, je m'entraîne pas, je fais de l'étude. Fait que j'aime pas ça être limité dans le temps de mon étude. J'aime ça avoir un vaste potentiel que si mon entraînement, il doit durer 4 heures, il doit durer 4 heures, j'ai le temps de le faire durer 4 heures. Je suis pas obligé de le bloquer. Fait que quand que je suis limité par le temps, ben, je fais des choses qui sont beaucoup plus condensées. Mais en général, mettons, le vendredi soir, je vais finir de travailler vers 4 heures. Je vais aller m'entraîner au gym. Je vais faire entre 5 et 10 km de course. Après ça, je vais faire entre 10 et 15 minutes de corde à danser. Après ça, je vais faire du shadow boxing. Je vais pratiquer des mouvements dans le vide. Des coups de poing, des coups de pied, des tempos, des jeux de pieds. Pratiquer les pieds, pratiquer l'angle. Tu sais, imaginer différents contextes. Après ça, je vais faire 30 minutes de punching bag à coups de ronde de 3 minutes environ, en travaillant différentes parties du corps, travaillant autant pratiquer les techniques, mais aussi endurcir toutes les articulations. Donc, tu sais, donner des coups de répétition sur le pied puis le tibia, sur des sacs lourds pour conditionner les os, conditionner tous les tissus à être capable d'absorber des chocs puis de plus vivre de douleur quand tu frappes un sac. Parce qu'au début, quand tu frappes un sac de 60 livres avec ton tibia, ben t'as mal. Puis ton coup, plus tu frappes le coup fort, plus tu te blesses. Fait que ça c'est le niveau débutant. À un moment donné, tu frappes le sac de 60 livres, 50 livres, 75 livres, puis ça fait mal de temps en temps. Puis à un moment donné, ben, tu frappes le 75 livres, tu sens plus rien. C'est le sac qui mange toute l'énergie, puis il n'y a rien, aucun retour de force dans ton corps. À un moment donné, c'est un sac plus pesant, 100 livres, là, qui est rempli de sable. Tu te donnes des coups, puis le tibia, il plie, mais il ne casse pas. Là. Tout se fait naturellement. Fait qu'il y a un travail de conditionnement de la physiologie, travail de conditionnement au niveau du mental pour être capable de soutenir des grosses charges de travail pendant des longues périodes de temps. Tu boxes longtemps, des rondes, tu viens fatigué. La première affaire que tu as le goût de faire, c'est de prendre un repos, mais il reste 1 minute et demie à travailler. Fait qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, on va y aller plus mollo. Fait que là, tu fais des travails plus pour garder le sac à distance de toi, donc des coups de pied de l'avant pour maintenir de la distance, des jabs, différentes techniques. Puis c'est plus au ralenti, mais tu gardes toujours le rythme. Puis à un moment donné, quand tu sens que l'énergie revient tranquillement, ben là, tu ouvres la machine. Bam, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Des combinaisons, travailler toujours sur la qualité, la beauté du mouvement. Étudier en vidéo qu'est-ce que tu fais pour voir c'est quoi tes failles. Puis l'Esprit de Dieu sait qu'il va te le dire parce qu'il voit bien plus de failles que de belles affaires. Fait que là, il dit tout ce qui va pas. À cause que c'est créatif, ben, tu reçois exactement les ressources nécessaires pour ajuster ce qui va pas. Fait que là, tu continues de travailler. Puis là, finalement, ça fait 3 heures que tu es là. Les étirements, beaucoup, beaucoup de yoga, beaucoup de souplesse, parce que le corps, dans le fond, là, le mal-être d'un individu, ça vient beaucoup des blocages dans ses méridiens. L'énergie ne circule pas librement à travers tous les chemins énergétiques de son système. Fait que d'ouvrir les méridiens, ouvrir les articulations, libérer les tendons, puis de permettre l'énergie de circuler dans les tendons au lieu de toujours porter une lourdeur musculaire. C'est ça, dans le fond, qui va optimiser l'être humain à tous les niveaux, là, puis qui peut être soutenu dans le temps. D'avoir des gros muscles à long terme, les muscles ils vont finir par s'atrophier. À 90 ans, tu peux pas avoir la même masse musculaire que tu avais à 25 ans ou à 30 ans. Fait que c'est pas un bon investissement d'investir dans le muscle. Ce qui est un bon investissement, c'est d'investir dans les tendons. Parce que les tendons, ils peuvent maintenir leur élasticité puis leur puissance à travers n'importe quel âge s'ils ont déjà été conditionnés puis entraînés au préalable. Fait que là-dedans, c'est là-dedans que j'investis parce que, anyway, l'énergie, elle passe dans les tendons puis est emmagasinée dans les tendons, d'où l'effet élastique. Quand tu vois un fighter là, qui donne des coups à toute vitesse, là, puis que on dirait que tout est mou, là, mais ça part là, d'une très grande vitesse, puis le coup il part, puis il revient aussi vite qu'il est parti. On peut voir qu'il y a beaucoup d'entraînement dans les tendons, beaucoup de rigidité. une bonne rigidité, là. T'sais, ton corps est capable de vivre vraiment des gros coups, des gros chocs, puis il rebondit. C'est comme si tu étais un champ électromagnétique, Puis là. les T'sais, tendons, ils se développent comment? les tendons, ils se développent en les entraînant de façon yang, donc en entraînant tout ce qui va être mouvement explosif de puissance. Mais aussi, au préalable, il faut les débloquer. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les muscles qui créent de la tension puis qui forcent le tendon à rester dans une position qui est dans un étirement ou dans une contraction permanente. Une fois que le ventre musculaire il est équilibré, les deux tendons se remettent dans une position neutre puis sont prêts à soit s'étirer ou soit se contracter avec grande force sans qu'ils viennent à un point où ce que le choc est trop grand puis le tendon déchire de l'os. On va dire que bon, c'est des blessures quand même importantes qu'on va voir certaines personnes vivre, là, autant des gens qui vivent des communs des mortels que des gens qui font de l'entraînement. Puis les ligaments aussi, les ligaments devraient être très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très rigides. Un ligament, juste pour faire un petit cours d'anatomie basique, là, le ligament, c'est ce qui attache l'os à l'os. Donc, mettons, dans un genou, on va avoir plusieurs types de ligaments qui vont faire que la structure est maintenue en place. Puis après ça, on va avoir les tendons qui relient les muscles aux os, puis qui vont pouvoir créer du mouvement. Mais le ligament, lui, c'est un. Le ligament, il n'est pas irrigué avec beaucoup de sang. Il n'y a pas beaucoup de circulation dans l'articulation en soi. La circulation se fait de plus en plus dans le muscle puis dans le tendon. Puis quand les gens se promènent avec toutes sortes de tensions, dans le fond, des muscles qui sont trop contractés puis d'autres qui sont trop étirés, toute cette structure-là est compromise. Donc, éventuellement, c'est les ligaments qui mangent des coups. Puis le corps, il devient très fragile, très faible, si on peut dire. Fait qu'il n'est pas capable d'encaisser de la douleur parce qu'il y a tellement de tension qu'il n'y a pas de circulation de l'énergie. Tu sais, dans le fond, si tu as un muscle qui peut parfaitement se contracter puis parfaitement se relaxer, l'énergie peut passer du système nerveux central dans les fascias, puis dans le muscle, puis passer à travers les tendons, puis connecter avec toutes les chaînes musculaires qu'il y a du corps, d'où bouger son corps dans une unité. Au lieu d'être tout séquentiel, tu sais, séquentiel. Tu fais un punch, mais c'est juste le bras. Tu n'es pas capable d'utiliser ton épaule, tes pieds, tes hanches, puis de tout séquencer le corps en même temps pour que le coup vienne ou le mouvement vienne de tout ton corps. Il vient juste d'une partie. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion. Fait que Ouais, le ben ça fait yoga, ça va penser au aider. principe de la fusion où la personne doit vivre l'unité avec l'esprit, tu sais, qu'elle soit pas dispersée en elle-même ou divisée intérieurement par de l'influence astrale. C'est ça, mais ça serait ça, ça se manifeste dans le corps. Quelqu'un qui est tout décalcé dans son corps, il est décalcé dans son mental. Oui, tout est interrelié. Puis c'est sûr que le corps parle de l'individu, dans le sens que le corps que la personne parle plus que ce qu'elle dit, parce que le corps en tant que tel va nous donner de l'information sur une mesure de la santé de la personne, son taux vibratoire, ainsi de suite. Oh oui, puis c'est pas de quoi ton corps a l'air, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Oh, C'est nuance ça, c'est encore. il y a une grosse nuance, ouais. What can you do with your body? Ça, c'est tellement, tellement, tellement la base. Moi, si tu me parles d'un culturiste qui pèse 200 livres à 5 pieds 8, les abdos puis des veines, ses abdos grosses comme des crayons feutres, ben c'est sûr que je trouve ça impressionnant, mais en même temps, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu fais avec ce véhicule-là. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes potentialités? Fait que si la potentialité du gars qui a cette shape-là, il est super flexible, puis il est capable de faire n'importe quoi avec son corps, il est capable de courir, il est capable de faire plein de choses, je vais être vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Pas dans le sens que je vais être impressionné ou je vais perdre mon identité, mais je vais faire waouh, OK, c'est vraiment impressionnant de pouvoir maintenir une telle masse musculaire, mais de générer autant de puissance, puis de vitesse, puis d'endurance. Mais si cette personne-là est juste capable de lever des poids et haltères, puis de pousser sur des machines linéaires, puis que la minute que je la fais monter à un escalier est essoufflée, il a pas bien investi son énergie. Fait que quand on entraîne son corps, on devrait entraîner son corps dans le long terme. Ça veut dire que on devrait travailler vers des choses qui n'ont pas de ils ont pas de finalité. Quand que tu entraînes ton corps à être capable d'emmagasiner de plus en plus d'énergie, ben tu peux pas avoir de finalité à ça. Même si ton corps vieillit, devient malade, toute l'intégration psychique qui est venue de cette intégration physique-là va transparaître dans tous les autres plans, fait que ça va être intelligent d'avoir investi du temps là-dedans. Pour ça, je te cassais les couilles avec l'exercice. Puis parce que c'est la seule affaire qui va te permettre d'être résilient à long terme. Parce que quand tu es vieux, même si tu es dans une conscience soi-dite supramentale, mais que tu as de la misère à te promener, puis tu as besoin d'avoir des gens qui viennent s'occuper de toi parce que tu as mal dans le dos, puis tu te promènes avec une marchette à 70 ans, il y a pas, c'est pas intelligent, là. L'autonomie, tu devrais te dire, est-ce que ça va m'amener plus d'autonomie ou ça va m'enchaîner? Mais c'est sûr que quelqu'un qui fait des sports qui lui nuisent, il n'y a pas ce mouvement-là de conscience de vérifier si c'est intelligent ce qu'il fait. Fait qu'il va falloir qu'il souffre de ça. À un moment donné, il va s'écœurer, il va faire d'autres choses, il va faire d'autres choses, faire d'autres choses. Moi, dans ma programmation, je suis amené à vivre plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein de différents sports. Puis je ne veux même pas appeler ça des sports, mais j'appellerais ça plutôt des disciplines. Parce que pour moi, le sport, ça n'a aucune crise d'importance. Mais toutes ces disciplines de mouvement-là différentes que j'ai eu à vivre dans ma vie et que je continue de vivre, c'est très intéressant parce que ça te fait unifier toutes les disciplines pour revenir toujours à la fondation qui est l'unification parfaite du corps et de l'esprit, puis le mouvement sans interférence de qu'est-ce que l'esprit envoie au corps. C'est intéressant de voir quelqu'un bouger parce que tu peux voir tous les niveaux d'interférence. Tu dis, fais ce mouvement-là. S'il n'est pas capable de le voir et de le répliquer parfaitement, ça veut dire qu'il y a de l'interférence. Il n'y a pas de contact avec son corps. Ce n'est pas lui qui run. Son corps, il run de façon autopilote. Il run par lui-même. C'est système nerveux autonome. Ça veut dire que quand on dit prendre contrôle du système nerveux autonome, c'est d'être capable d'enregistrer l'information au niveau du système nerveux puis d'être capable de répliquer un mouvement de façon parfaite, le plus instantané possible. De laisser le corps travailler dans sa structure initiale. Moi, j'ai des gens, des fois, qui me disent, moi, je veux un entraînement, mais je veux pas faire des jambes. Pourquoi tu veux pas faire des jambes? Ben, parce que j'ai pas besoin de faire des jambes, je suis debout toute la journée. Mais ben, justement, tu devrais faire des jambes, tu es debout toute la journée. Fait que les gens, ils ont des drôles de raisonnements par rapport à leurs besoins parce que ils ont des fausses impressions de penser qu'ils ont des bonnes jambes. Mais tu les amènes 2 minutes en dessous d'une barre à squat, il n'y a même pas de poids dessus, puis ils ont de la misère à en faire 10. Parce que le corps, il va jamais dans cette configuration de base qui est le squat ou bien être assis par terre, mais pas assis par terre, mais sur ses pieds, là. Bon, je pense que les gens sont assez intelligents à savoir c'est quoi un squat. Le bébé, là, quand il naît, là, ben pas quand il naît, mais quand il commence à marcher, là, vous remarquerez, les bébés sont assis dans cette position-là, les talons bien enracinés au sol, les genoux parfaitement placés, puis le dos droit, une posture qui est droite. Puis je trouvais ça toujours beau, moi, quand j'étais en Thaïlande il y a l'hiver passé, quand je voyais les Thaïs qui travaillaient des heures et des heures dans cette position-là, ou qui étaient assis dans des positions assises, où est-ce que la plupart des Occidentaux sont pas capables de s'asseoir pour plus que 2 minutes, mais eux pouvaient passer des heures et des heures et des heures à faire une tâche répétitive. Mais leur corps était tellement bien structuré que c'est comme si ils n'ont pas de perte d'énergie, ils n'ont pas perdu des facultés normales. Tu sais, la plupart des gens qui vont commencer à s'entraîner, mettons, dans la trentaine ou dans la fin vingtaine, ils vont réaliser que l'affaire la plus importante de leur entraînement, c'est de retrouver des facultés de base du corps. Tu sais, le corps, il est supposé pouvoir être assis en lotus, il est supposé être capable de faire la split parce que l'articulation est configurée pour aller jusque-là. Mais qu'est-ce qui bloque un humain de faire la split? C'est tout le bagage mémoriel qui transporte psychique et physique, tous les traumas qu'il a vécu, les accidents, d'avoir été assis des années de temps dans un truck, pas bouger, tu sais, tout ça, c'est de la mémoire, dans le fond, de l'expérience physique. Mais c'est emmagasiné là. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer, revenir aux cases zéro, puis là, on peut commencer à avancer. Fait que tu sais, si quelqu'un n'a même pas une souplesse de base, ben on faut commencer à travailler là-dessus, puis tranquillement développer la force en relation avec le niveau de souplesse présent, mais pas. Bon, peut-être que je suis dur à comprendre pour des gens qui s'entraînent pas, là, mais quand tu commences puis tu as de la misère à faire un bon mouvement, tu devrais d'abord t'assurer que tu peux développer la flexibilité puis l'amplitude de mouvement pour être capable de faire ce mouvement-là avant de commencer à vouloir performer sur ce mouvement-là. Est-ce que ça fait plus, c'est plus facile à comprendre? Oui, parce que dans le fond, il faut que la personne fasse comme full mouvement pour pas se blesser ou développer des mauvais plis. Ben oui, mais je te donne un exemple. Tu sais pas comment puncher, tu vas pas puncher sur un sac de 100 livres. Tu vas apprendre à puncher dans le vide. Après ça, tu vas frapper une feuille de papier. Après ça, tu vas frapper une mitte. Après ça, tu vas frapper le sac. Mais il faut que tu commences avec la base. Fait que souvent, les gens, ils n'arrivent pas dans le gym de façon intelligente, qui arrivent par réaction. Donc, eux, c'est de perdre du poids parce qu'ils ont vécu un excès de contraction, ils veulent vivre l'expansion. Fait que là, la seule et unique raison qu'ils veulent aller au gym, c'est de perdre du poids. Mais en réalité, c'est pas ça qui devrait être la raison. Ça devrait, comment je peux faire pour me ramener à l'équilibre dans cette salle d'entraînement-là? Mais c'est évident que c'est pas le cas, là. Ça fait 10 ans, 11 ans que je fais ce métier-là, puis j'ai jamais vu ça, là, des gens. Ah, moi, je viens ici pour l'équilibre. T'sais, les gens, ils vont dire forme générale. Bon, forme générale. Forme générale, ce que ça veut dire, c'est maintenance de la médiocrité. Parce que il n'y a aucune forme de vie qui s'exprime sur Terre qui veut avoir une forme générale. Il n'y a aucun humain que tu lui donnerais le génie d'Aladin, le gros génie bleu, puis tu as dit t'as 5 vœux. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que quelqu'un va te dire je veux un corps d'enfer. Ou il y a au moins une majorité de la population des gens qui voudraient avoir un corps qui pourrait répondre à leurs besoins. Un corps qui leur donnerait plus de liberté. Autant de rencontrer plus du sexe opposé que d'être capable de faire plus de choses. T'sais. On se rappellera toujours des jeunes quand on était au secondaire qui étaient capables de faire un backflip. Là, t'sais. Tout le monde était là. Hey, il fait un backflip! T'sais, vous êtes 12, vous n'êtes pas capable, il y en a un qui est capable. Là. Lui, il a bien plus de valeur à nos yeux. Fait que, tu sais, il y a quelque chose que tout le monde a envie dans un corps qui est libre, qui est flexible, qui est capable de faire tout ce qu'il pouvait. Ce que le monde ne veut pas, c'est le travail nécessaire pour arriver là. Puis ça, je comprends, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais quand c'est fait avec une appréciation du processus, je pense que ça peut être quelque chose qui est possible. Parce que moi, je suis loin d'être à mes capacités maximales physiques, mais j'apprécie le processus d'atteinte de ça, ou la non-atteinte, mais dans le fond, il n'y a jamais de limite parce que tu es toujours en train d'aller plus loin. Fait que moi, j'aime le phénomène d'aller plus loin puis d'explorer des limites physiques, mais toujours en respectant le corps. Parce que c'est facile quand quelqu'un vit dans un mouvement de surexcitation par rapport à l'exercice de perdre l'écoute de son système puis d'en venir à de l'épuisement. Ce qu'on va appeler une phase de surentraînement ou de surcompensation. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller de temps en temps dans des zones de stress pour vivre la vibration de ça. Après ça, revenir dans une zone de contenance, puis après ça, revenir dans une zone de repos, puis revenir dans une zone de stress, revenir contenance, revenir repos, puis de toujours, comme la sphère a grandi, puis a grandi, puis a grandi, puis a grandi, mais de façon très, très naturelle, Ouais, très mais ce que organique. tu dis, ça me fait penser à la médecine chinoise, c'est-à-dire l'équilibre entre le côté actif yang et passif yin. Ouais. Des alternances yin-yang, un peu comme les médecins chinois qui vont vouloir équilibrer un système qui a trop de yang par du yin ou vice-versa. Ouais. Le problème avec la médecine chinoise, c'est qu'il y a beaucoup de formes là-dedans, puis il y a beaucoup de traditions, puis il y a beaucoup encore de la croyance que tu peux guérir quelqu'un de ses phases de yin puis de yang. Il n'y a rien de mal à amener des outils, puis des herbes, puis des traitements d'acupuncture pour amener la personne à l'équilibre, mais l'individu, par la force des choses, va être amené par lui-même à découvrir ce qu'il a de besoin à travers le contact avec son esprit. Parce que son Ouais. esprit, il travaille dans le yin et dans le yang essentiellement, parce que tant que l'ego est dans la forme, il est polarisé. Fait que la polarité, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il faut que ça soit créatif. Fait que si tu es dans une phase d'excès d'exercice, tu devrais savoir comment tamponner ça, puis de revenir à l'espace zéro, là, ou l'espace neutre. Quand j'ai fait la compétition de CrossFit la semaine passée, ce que j'ai été, parce qu'on n'a pas eu un bon classement, j'étais avec un coéquipier qui m'était acheminé à dernière minute, j'avais vraiment, vraiment pas d'affinité avec lui, fait que c'était comme plus, il la faisait par obligation, puis moi je la faisais par obligation, parce que c'est mon travail, il fallait que je sois là. Mais tant qu'à le faire dans l'obligation, je me suis dit, je vais donner tout ce que j'ai, mais en respectant totalement mon corps. Puis, qu'est-ce que j'ai pu remarquer de ça, c'est que j'ai pu atteindre un niveau de performance qui était quand même impressionnant vu le fait que je m'entraîne pas pour ce type de discipline-là, avec aucun préalable, juste à cause de des principes que je vous explique depuis tantôt quand on parle, parce que j'ai été capable de générer l'énergie nécessaire pour faire le mouvement, mais à cause que j'étais dans le respect de mon être, si j'atteignais un niveau où ce que ça me disait c'est assez, j'étais capable d'arrêter, puis j'avais pas la pression de la foule de continuer pour impressionner quoi que ce soit. Pour moi, c'était beaucoup plus comment je peux maintenir le maximum de contenance dans un événement aussi surexcité que ça. J'ai réussi mon objectif. Puis mon partner, malheureusement, il était 2 fois couché sur le dos dans la salle de bain avec des serviettes froides parce que son corps il est en train de surchauffer. Fait que lui, il a voulu aller au-delà de ses capacités. Il n'avait pas une bonne lecture de son être, fait qu'il a dépassé ses limites. Moi, j'ai pas dépassé mes limites. Puis j'ai pu bénéficier d'un rehaussement vibratoire important après, débloquer des nouveaux muscles, être capable de respirer beaucoup plus profondément que j'étais capable Mais tant auparavant. qu'à parler de cette activité-là, décris-la un peu, les différents exercices que tu as faits avec le partenaire dans la compétition, là. Ouais, mais c'est dur à expliquer parce que si quelqu'un connaît pas ça, même si je dis les exercices, tu sais, on va s'alourdir. Mais c'est des exercices. Écrivez, tu sais, si vous êtes moindrement intéressé de ce que je dis, là, Chris, faites des recherches, là, tu sais, faites pas juste écouter l'enregistrement puis aller manger un sandwich après, là. Non, non, mais il y a des Tu choses qui sont accessibles, comme tu as fait du vélo stationnaire, tu as soulevé un poids haltère avec l'autre à Ouais, mais côté, c'est tu sais. même pas un vélo stationnaire. Tu sais, c'est une espèce de vélo avec les bras, tu sais, ça existe pas, là. Tu sais, le monde n'a pas ça dans les gyms, là. Fait que, bref. C'est des exercices de haute intensité sur des courtes durées. Fait qu'on parle d'environ 8 minutes maximum par séquence ou workout. Eux autres, ils appellent ça des WOD parce que CrossFit, c'est comme une espèce de secte avec leurs termes puis leurs patentes, là. Puis là, ils appellent ça des WOD, Workout of the Day. Fait que là, tu avais 5 WOD. Bon, fait que le premier, c'était, bon, je vais vous dire les exercices, mais c'était des clusters. Donc, tu tires la barre de terre. Tu l'amènes sur tes épaules, tu squattes au sol, puis après ça, tu la pousses au-dessus de ta tête. Puis après ça, c'était des burpees. Donc, tu sautes, tu descends en pleuvant, comme dans une position de push-up, tu te relèves, tu fais un bond, tu sautes par-dessus ta barre, tu vas à l'autre côté, tu te reposes au sol. Bref. Fait qu'on fait ça, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, 14-14. Fait que c'est des workouts qui ressemblent à ça. Donc, ça requiert, pour être bon là-dedans, une très bonne forme physique pour aller vite. Mais l'affaire avec moi, c'est que moi, aller vite, ça m'intéresse pas parce que aller vite, pour moi, c'est une illusion. Il y a juste aller bien ou aller mal. Fait que si tu fais quelque chose, puis que tu es dans l'écoute de tes besoins, puis que la vitesse optimale pour maintenir la qualité de ce que tu fais, c'est ça, tu respectes ça. Tu vas pas au-delà de ce que tu es capable, puis commencer à compromettre la qualité puis l'intégrité de ton mouvement pour aller plus vite, ce que beaucoup de gens font. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se blessent, puis qui se maganent, puis qui en ont beaucoup de jours après à récupérer de ces efforts maximaux-là, parce qu'ils sont pas à l'écoute. Ils compromettent la qualité pour la quantité. Puis ça, c'est ce que je déplore de cette discipline-là, puis c'est pour ça que j'aime pas ça, puis j'ai jamais aimé ça, puis j'aimerais jamais ça. C'est que moi, ça m'intéresse pas de faire des exercices de façon dépêchée ou garrochée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des beaux exercices. Le mouvement, il faut qu'il soit beau. S'il est beau, il est bon. S'il n'est pas beau, il n'est pas bon. Point final. Parce que ça ment pas comment le corps travaille. Un corps qui travaille bien, on regarde, mettons, un gymnaste, il a de la beauté, il est jugé sur la beauté. Donc, il doit développer une force nécessaire pour être capable d'exécuter un mouvement extrêmement difficile physiquement, mais avec une grande contenance. Puis c'est pour ça que c'est beau, la gymnastique. Mais si tu verrais un gars qui se force pour se tenir les anneaux, puis il shake de partout, puis il fait tout. Il essaye de tout faire pour rester dans cette position-là, mais tout le monde peut très clairement voir qu'il n'en maîtrise pas pantoute. Il n'y aura pas beaucoup de points. Fait que déjà, ça, j'ai plus de respect pour ça parce que je trouve que on mesure la qualité de la prestation de l'athlète au lieu de mesurer la vitesse qu'il peut parcourir les exercices en faisant pas allusion à la qualité de ce qu'il fait. Donc, Non, même quand on mais c'est regarde. intéressant. Bien, ça nous amène sur le plan qualitatif plutôt que quantitatif. Exactement. Donc, la qualité, c'est au niveau de l'esprit. La beauté, l'esthétisme, ça fait partie de la vibration de l'esprit. Ça va dans Ouais, ce puis sens-là aussi. l'esprit, c'est aussi beau que tu peux l'incarner, hein, parce que tu sais, tu peux avoir plein de belles affaires dans ta tête, mais c'est quoi ces belles affaires-là que tu es capable d'amener dans ta vie réellement, de façon concrète à travers l'action? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sinon, c'est pas beau. Non, c'est C'est pas beau ça. quelqu'un qui a plein d'idées. Moi, il n'y a rien qui m'énerve que quelqu'un qui a des idées. Moi, quelqu'un qui a des idées, mais qui m'en parle pas, mais il agit tellement, il y a tellement d'idées qu'il est tout le temps dans l'action, je trouve ça intéressant. Mais quelqu'un qui a des idées, puis qui me parle constamment de ses idées, puis de ses rêves, puis de où est-ce qu'il veut aller, puis qu'est-ce qu'il veut faire, mais qui fait jamais rien, je m'en calisse ben raide. Fait qu'il n'y a pas de beauté dans une surcharge d'informations psychiques qui n'est pas canalisée adéquatement dans le monde matériel. C'est même laid, ça fait monter en colère. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que la personne à ce moment-là est juste théorique et pas pratique. Les idées sont pas incarnées et pas capables de vibrer puis d'agir, là. Mais ben là, c'est dangereux. Puis en plus, ils sont théoriques, mais dans le supramental. Ouais. Dangereux, ça, là. Ouais, c'est sûr. Hey, tu penses, t'en créer de l'inertie en te disant, j'ai pas la vibration. J'ai pas la vibration. Tu blindfoldes totalement que dans le fond, t'as peur, mais tu dis, j'ai pas la vibration. Ça, c'est Mais il peut y dangereux. avoir une réalité vibratoire parce que la personne n'a pas la vibration. Mais c'est là que c'est subtil. Parce que dans l'affaire de j'ai pas la T'es vibration. mieux de rien connaître de ce que du matériel supramental puis juste vivre puis agir que de connaître le supramental puis de rester assis avec ça puis écrire des livres Oui, ou parce faire que ça des peut être fausses tapes utilisé là. à mauvais escient, mais tu sais, ça, c'est comme toute chose. Tu sais, c'est comme un couteau qui peut être utilisé à deux tranchants. On peut s'en servir pour tuer. C'est pas utilisé à mauvais escient. Le monde là, les espèces de regroupements de personnes qui parlent de supramental sur Facebook, c'est correct, mais s'il y a du monde qui vous dise, là, calisse, occupez-vous donc de votre vie, là, calisse, puis faites donc ce que vous avez à faire, ben, écoutez-les. T'sais, prenez-les en considération. Parce que sinon, même si votre information que vous canalisez est très intelligente, vous êtes seulement intelligent à la mesure de ce que vous pouvez faire avec. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu parles l'amour mental versus l'amour astral, mais toi, tu as une relation astrale. Mais ben, parle-moi pas d'amour mental, Calis. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Fait que tu sais pas de quoi tu parles. Ajuste-toi. Puis quand il y a quelqu'un qui est assez généreux, ben, ou généreux, bon. Ou quand quelqu'un est sur ton chemin pour t'ajuster, Chris, prends-les. Surtout si tu te dis supramental. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui comprend rien parce qu'il a jamais lu un livre de sa vie, ça va, là. Mais quelqu'un très spirituel là, ou quelqu'un de super dans l'ésotérisme là, mais occulte québécois du supramental, vous allez manger des volets avec moi, c'est sûr. Parce que moi, je vais vous vérifier. Je vais vérifier ce que si vous êtes plus avancé que moi, parfait, je vais bien m'entendre avec vous, je vais pouvoir apprendre plein d'affaires. Mais si vous ne l'êtes pas, par exemple, vous allez le savoir sur un crisse de temps. Oui, ben je sais que tu laisseras pas les gens te dire n'importe quoi en ta présence, là. Tu as un esprit fort de contestation, là. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que l'esprit, ça peut pas se faire raconter des affaires de l'esprit qui sont pas imbues d'esprit. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bon, oui, ben c'est sûr que tu peux Tu peux pas te pas faire faire parler de remplir. forme d'esprit quand il n'y a pas d'esprit dans la forme. Là, automatiquement, tu vas contester. C'est plus fort, c'est fondamental. Tu le feras pas, mettons, sur la fille, la caissière au IGA, mais tu vas le faire certainement, par exemple, avec la personne qui essaie de te dire que la conscience, c'est ci, puis c'est ça, puis qu'il faut que tu fasses ça, puis des beaux principes, là, puis tout, là, mais la personne est inconfortable là, dans ses affaires. On va te rendre inconfortable un peu, je vais voir ton niveau de contenance, parce que c'est pour ça que j'aime ça faire souffrir le monde dans le gym, mes clients. C'est pour voir où ils sont. Puis je les amène jamais plus loin. Toujours juste assez. Juste assez. Comme dans les massages, puis dans les traitements, juste assez. Juste sur le bord où ce que tu penses que tu faut que ça arrête, là, mais j'arrête juste à temps. Tac. Là, tu fais, il faut pas que je dise qu'il arrête. Ah, oh, c'est arrêté, c'est correct. Tu comprends? Tu sais, la lecture est bonne. Fait qu'en faisant ça, tu peux mesurer la personne. Fait que moi, quand j'ai un athlète, mettons, ou une personne qui est capable de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, là, je fais, ah, oh, Chris, c'est intéressant. Je vais me rapprocher de cet individu-là parce qu'il y a de la contenance. Mais quelqu'un de super, super, super théorique avec la conscience, mais que tu comprends pourquoi je te confrontais dans le temps quand que je te dis, voyons, tabarnak, si parle-moi pas de conscience, Chris, t'es pas capable de faire une série de 12 au squat, là. Oui, mais je prétendais pas de maîtriser les squats pour que ma conscience soit appliquée à ça. Tu sais, Ouais, c'est. mais c'est ça que je veux amener, c'est si là, vous savez qu'il y a une sphère de votre vie qui est faible. Arrêtez de vous étourdir dans des petites formes occultes spirituelles, puis allez faire ce que vous avez à faire. La vie, c'est dans ça. C'est dans confronter ce qu'on n'aime pas. C'est dans prendre l'affaire qu'on se fait donner, qu'on a peur, mais on le prend pareil parce qu'on veut le tester. C'est là que la vie se passe. C'est là la conscience supramentale. La conscience supramentale, c'est l'étude de l'événementiel. C'est pas l'étude de l'événementiel. Oui, ben c'est pas de la conscience réflexive sophistiquée, de la métaconscience. Hey, parler de conscience, là, écrasé d'une chaise d'ordinateur avec une grosse bedaine, C'est un tu autre aspect. On s'était rencontrés ensemble à un moment donné, puis je t'avais montré des vidéos de différents conférenciers dans le domaine de la conscience. Puis la chose que tu regardais, c'était vraiment leur posture. C'était pas les mots qu'ils utilisaient, c'était vraiment la posture physique. Ben oui, puis dans ce temps-là, je connaissais rien du matériel du supramental. J'avais jamais entendu Bernard de Montréal. J'avais rien entendu, mais j'avais déjà une conscience suffisamment développée pour voir de la cohérence puis de l'incohérence. Fait que ça, d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu peux étudier si tu l'as ou tu l'as pas. Quand tu vois de la cohérence parce que tu sais c'est quoi de l'ordre, t'es capable de voir aussi le désordre. Puis j'ai rien contre les gens qui ont des problèmes de poids parce que je comprends que des gens qui ont des facultés médiumniques, l'hypersensibilité, vont en être beaucoup plus affectés par l'événementiel que la personne que son contact il n'y a pas de contact occulte. Fait que le médium, souvent, il absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup de crasse. Puis en plus, il met beaucoup de valeur dans la crasse. Fait qu'il va devenir souvent gros malade. Mais ça fait partie de sa programmation. Puis il va venir éventuellement dans cette vie-ci ou dans une autre à le dépasser. C'est totalement correct, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est sûr que tu ne me verras pas aller demander de l'aide à un coach qui est en embonpoint puis qui n'a pas de forme physique. Parce que pour moi, tu peux pas être un coach puis d'avoir aucune forme physique. Il y a une incohérence absolue là-dedans. Parce que si tu te dis, ah oh, oui, mais moi je connais ça, mais j'en fais pas. Bon, si tu n'en fais pas de tout ça, de ce que tu enseignes, pourquoi? Si c'est parce que tu es blessé, parce que tu as eu un accident de char, bon, je veux dire, ben, pas de trouble. T'sais, il est en récupération, il guérit, il fait ce qu'il peut. Mais quelqu'un qui me dit, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de m'entraîner, je travaille trop, mais je coach dans un gym. Mon gars, là, bonne chance, là, parce que qu'est-ce que tu vas m'enseigner, toi-là, là, avec ta chèque de marde, là, t'sais, tu vas me montrer à perdre du poids, pourquoi t'en perds pas, toi, du poids? T'sais, si tu m'enseignes à perdre du poids, mais que t'es dans l'embonpoint, c'est parce qu'à quelque part, ce que tu fais, ce que tu dis au monde des choses qui sont légitimes, mais tu les vis même pas toi-même. Fait que ça va faire la job avec beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il y a des gens qui sont magnétisés par la forme. Fait qu'ils vont dire, oh, la diète qu'il m'a donnée, c'est bon, c'est un bon coach. Ils vont perdre du poids, ils vont dire, ça marche. Mais ils n'auront jamais à voir que, dans le fond, cette information-là, ils pourraient la chercher à la même place que le gars qui te l'enseigne. Non, exactement. C'est ça, si la personne ne prêche pas par l'exemple, c'est-à-dire qu'elle n'incarne pas la santé physique, puis elle essaie de te vendre qu'elle va te permettre d'être en santé physique davantage, on peut se poser des questions. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de payer pour quoi que ce soit. L'information est à l'air libre. YouTube, là, on est dans l'ère de l'information. Tu veux savoir comment réparer un moteur esti d'un Camaro 67? Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo YouTube là-dessus, Calis. Tu comprends? C'est Fait que ça, tu peux mais la tout gratuité apprendre. en même temps, je vais quand même, dans mon cas, mettre des petits bémols, dans le sens que ça peut être utile de payer un conférencier si on assiste à une conférence ou si la personne produit un enregistrement pour la supporter dans un mouvement, dans une optique de générosité psychique. Si on bénéficie du mouvement de quelqu'un, on peut, par respect pour sa production créative, lui. S'il est vibrant, pas de problème. Bon, OK. Mais moi, je ne paierais pas un conférencier si déjà je regarde un extrait de qu'est-ce qu'il a déjà fait, puis il fait juste ouvrir la gueule, dire deux mots, puis je sais déjà où est-ce qu'il s'en va. C'est sûr, je n'irai jamais là, là. Ou si j'y vais là, c'est parce que je veux étudier le comportement psychique de la foule, puis de lui en relation avec la foule, puis faire une étude occulte de ce qui se passe là-dedans. Ça, c'est intéressant, mais je m'en calisse de ce qu'il dit. Parce que Ouais. j'écoute l'orchestre. L'orchestre, c'est le conférencier qui fait vibrer la foule, la foule qui lui donne l'énergie pour vibrer, puis de voir où est-ce qu'il y a de la domination, où est-ce qu'il y a de l'illusion, où est-ce qu'il y a de la magnétisation, est-ce que le conférencier essaye de magnétiser la masse à croire quelque chose, ou est-ce que le conférencier essaye de libérer la masse d'une croyance, ou t'sais, c'est quoi la dynamique? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dynamique. Mais étant plus à la recherche de mon identité, ben j'ai pas besoin d'aller chercher de l'information qui vient d'un conférencier parce que déjà ce que j'ai besoin de savoir maintenant, je l'ai, puis ce que j'ai besoin de savoir tantôt, ça m'intéresse pas. Par contre, tu peux bénéficier de la vibration d'une conférence. Ben aujourd'hui, c'est qui que tu pourrais bénéficier de l'énergie d'une conférence? Ça pourrait être un sujet à discussion, mais j'entrerai pas plus loin dans les détails par rapport à ça. La seule conférence que j'irais voir dans ma vie, ça serait celle de Marc. OK. Ils me disent que ce qui est plus vibrant en conférence présentement, c'est Marc Lassalle. Puis je dis pas ça parce que c'est mon chum, parce que Marc, il m'aime bien, je pense, mais tu sais, on n'est pas les gars les plus proches l'un avec l'autre, mais on est capable de reconnaître que chacun, on fait un travail à la hauteur de qu'est-ce qu'on est capable. Puis j'ai toujours eu beaucoup de respect pour cet homme-là, puis j'aime beaucoup parler avec, puis je trouve que c'est un gars qui a une belle force. Fait que c'est sûr que encore là, j'ai pas l'esprit, mais l'esprit me permet pas de faire 3 heures de char pour payer un montant d'argent pour aller m'asseoir là quand j'ai d'autres choses à faire. Mais mettons que ça serait facile, fluide, j'irais définitivement m'asseoir un après-midi de temps à l'écouter parler, puis je pense que ça serait quelque chose de très, très intéressant. Mais je pourrais pas dire la même chose de beaucoup de monde que je vois dans le monde supramental du Québec. Honnêtement, je suis pas impressionné par grand matériel. Je dis pas ça parce que je considère que ce que je fais, c'est mieux, puisque je fais rien, dans le fond. T'sais, moi, je travaille dans ma vie, je fais ce que j'ai à faire. Je produis pas du matériel comme toi, par exemple, qui fait beaucoup d'enregistrements. Mais tu fais Mais quand même quelquefois, une fois de temps en temps, un enregistrement avec moi. Oui, puis c'est pas moi qui te le demande, tu remarqueras, c'est toujours toi qui me le propose. Ouais. Puis à cause que ça va de l'avant, puis je sens qu'on est en résonance, ben ça me fait plaisir de parler. Mais à cause que j'ai déjà aucune crainte de perdre le contact, ben j'ai pas besoin de constamment parler pour avoir l'impression que je vais toujours savoir quelque chose. Je sais que j'ai toujours besoin, je sais toujours ce que j'ai besoin de savoir. C'est pour ça que je perds un peu la motivation de faire des vidéos ou des affaires de même, tu sais, c'est quelque chose qui serait très, très bon pour mon entreprise de faire beaucoup de contenu web puis de beaucoup d'enregistrements. Même si même pas des affaires, sa conscience, là, mais juste par rapport à des choses connues, là, ça pourrait me bénéficier, mais j'aime pas ça. Tu sais, j'ai pas besoin de me mettre dans le spotlight, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui me. Ça me nourrit plus. J'ai tellement été longtemps dans le spotlight pour plein d'affaires qu'on dirait que j'ai saturé cette forme-là, puis j'en vois plus l'intérêt. Puis je dis pas ça pour être arrogant, mais j'ai vraiment plus. Je parle juste pour me dynamiser, puis si l'autre bénéficie de ma parole, ben tant mieux. Oui, exactement, mais c'est sûr que la parole peut avoir plusieurs fonctions. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a une fonction aussi de bénéficier puis de générer une vibration. Tu sais, si, admettons, je parle de mon expérience, parce que je fais quand même plusieurs enregistrements là, depuis plusieurs mois. J'ai une journée où ce que je suis en contact avec des gens plus astralisés, désajustés. Ben là, de me rebrancher sur ma vibration, ça participe à me redynamiser face à une situation, ce que j'ai été exposé à des gens qui sont dans une vibration qui est plus déstabilisante. Ben, pas déstabilisante, mais qui est plus. Je vais Est-ce que essayer. tu vis une coupure? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que, mettons, t'as besoin absolument de parler tout seul pour te rebalancer ou tu peux te rebalancer de même sans rien faire? Ça peut être les deux, ça dépend. OK. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, moi, je ressens pas le besoin de parler quand j'arrive chez nous en finissant de travailler dans des enregistrements parce que je parle déjà toute la crise de journée. Fait que quand j'ai parlé toute la crise de journée, puis j'ai pas parlé de science occulte, mais j'ai parlé à travers ma conscience occulte. Ben, quand j'arrive chez nous, je suis plus intéressé de parler, puis je suis plus intéressé de répondre à des questions, je suis intéressé d'avoir l'hostie de paix. Je veux pas que ça me parle. Puis, tu sais, faut que je fasse attention à ce que j'écoute aussi, parce que si j'écoute, mettons, tu sais, des documentaires, j'adore ça, mais je peux pas écouter des documentaires le soir. Parce que quand j'écoute des documentaires le soir, l'esprit m'envoie tellement de l'information par rapport à toutes les sphères différentes du documentaire, que ce soit la production, le but du documentaire, les gens dans le documentaire, les raisons pourquoi, que quand j'arrive pour me coucher après ça, je reçois des téléchargements infinis d'informations, puis là, je suis dérangé, là, tu sais. Moi, ça me dérange, ça. Moi, je veux dormir, je veux avoir le style de pile. Je veux pas me faire dire là, que la personne que je viens de voir, le SDF, est là à cause de telle raison. Je m'en fous de ça, calisse, là. Noël, d'où la capacité à être capable de couper le contact avec la source, quand que tu sens que c'est Ouais. trop envahissant. Puis c'est de même que tu utilises la forme. T'sais, moi, j'aime beaucoup, mettons, boire une bière le soir ou fumer des tops parce que c'est le fun. T'sais, ça te permet de. Ah, tu t'alourdis un peu. Puis quand tu es toujours très, très électrique, l'alourdissement, c'est quasiment positif. T'sais, fait qu'il y a des gens qui sont déjà extrêmement lourds puis qui s'alourdissent en plus avec des substances. Là, je pourrais dire que ça a tendance à rendre les gens malades. Mais quelqu'un qui s'alourdit volontairement, consciemment, pour rééquilibrer son énergie puis se préparer à dormir, en tout cas, pour ma part, dans mon expérience, j'ai pas vu de côté négatif à ça, dans la mesure où ce que c'est vraiment les besoins qui sont respectés, non les désirs ou l'habitude de faire certaines choses. Quelqu'un qui est habitué de toujours boire une bière le soir, faut qu'il sache quand c'est le temps d'arrêter. Il faut qu'il sache quand il est tombé de la vibration à l'habitude. Puis ça, c'est comme l'exercice, de passer de j'ai la vibration de faire ça, là, je l'ai plus. Si je continue, ça devient de l'habitude, ça devient lourd. Ça devient maladif, on va dire maladif à tous les niveaux. Fait qu'il faut savoir quand, ah, c'est assez. T'as Exactement, bu un ça. verre de vin, t'as eu ce que t'as besoin, t'arrêtes. T'as pas besoin de boire la bouteille au complet. Si tu bois la bouteille au complet parce que tu veux toujours boire la bouteille au complet, ça devient. C'est là, c'est la marge entre le besoin, puis dès que tu tombes dans l'habitude ou dans la réactivité ou le conditionnement, c'est là que la personne devient à se rendre malade avec la forme. N'importe quelle forme en passant. Exactement, d'où l'importance du discernement. C'est ça. Je regarde les gens là, qui sont dans des modes de végétarisme, là, puis de jeûne, puis tout, là, puis t'sais, ça n'a pas l'air le fun. Là. Tu devrais pas jeûner puis te faire chier, là. T'sais, tu devrais jeûner, puis ça devrait être spontané, puis naturel, puis ça devrait te faire du bien. Ils sont là, hey, moi j'ai jeûné, là, puis j'ai vomi pendant 3 jours, puis j'ai des maux de tête. Je dis, hey, bon, au moins le jeûne, il fait son travail, mais tabarnak, man, t'sais, vas-y mollo, là. T'sais, avant de passer de 3 paquets de cigarettes par jour, 2 litres de Pepsi, puis de la grosse bière, puis du fast-food, à 7 jours de jeûne sec, tu pourrais peut-être juste arrêter un paquet de cigarettes par jour pendant un mois. Après ça, prendre 1 litre de coke. Puis, t'sais, ça, c'est intelligent, ça. Ça, c'est de baisser graduellement, jeûner, t'sais, faire des jeûnes. Ça peut être un jeûne de télévision, de sexe, de n'importe quoi. Mais de baisser la dose graduellement, pour tranquillement se libérer d'une forme qui a de l'emprise sur nous, sans créer des mouvements brusques. Parce que le mouvement brusque, il est toujours redevable avec un mouvement brusque oppositionnel égal. Fait que, tu sais, c'est comme genre, c'est sûr que si tu arrives dans le ring, puis que je te connais pas, puis qu'on te dit on va faire un sparring léger, puis moi je commence à boxer avec toi, puis à te donner des kicks, puis j'y vais doucement. Puis que toi, parce que tu vois que j'y vais doucement, tu m'en calisses un esti de bon en face, tu peux être sûr et certain que je tomberai pas, puis que tu vas avoir la mesure de ta violence instantanément sur toi. Parce que c'est la nature de l'équilibre. Moi, je ne tolère pas, si on s'est entendu de frapper de façon respectueuse, quelqu'un qui essaie de se prouver, c'est sûr que l'esprit en moi n'autorisera pas ça. Fait que je vais être obligé de rester debout. Ça va m'avoir saisi, puis dans cette énergie-là, je vais être chargé par l'esprit, puis l'esprit va en donner un coup de pied tellement fort sur sa cuisse qu'il n'a pas pu marcher dessus pendant 2 jours. Pour qu'il comprenne que son mouvement, il était beaucoup trop. C'était disproportionné. C'était disproportionné. T'sais. Moi aussi, je peux t'en calisser un fort d'en face, mais je décide de ne pas le faire parce que mon but, c'est de m'entraîner puis d'apprendre avec toi. C'est pas de démontrer c'est qui a le plus de force de frappe. Parce que c'est évident que moi, tu me mets dans un coin de mur, puis dans un combat où ce que je me bats pour ma vie, puis tu vas avoir une force de volonté qui va être absolument inimaginable. Mais je veux jamais être mis dans cette situation-là parce que c'est pas des situations qui sont intelligentes, puis c'est pas utile. Parce que le but d'une discipline martiale ou bien d'un entraînement, c'est de se développer puis d'évoluer. Fait que si on est constamment blessé, puis on est constamment en scrap parce qu'on n'est pas capable d'écouter nos limites, ben on va vivre beaucoup de ralentissement. Au lieu de construire graduellement, on se ralentit parce qu'on vit une grosse période d'intensité, puis après ça, on est obligé d'arrêter pendant des longues périodes de temps pour juste revenir où est-ce qu'on était. C'est pas bon. Non, exactement. C'est sûr que ça prend, comme je le disais tantôt, du discernement, de l'intelligence dans la mesure de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est intéressant, tout ça. Je voulais compléter avec toi l'enregistrement à présent. Ah Donc, oui. en terminant, c'est sûr que je voulais mentionner aux gens que ça pourrait intéresser, que tu es coach, donc tu es entraîneur physique. Il y a sans doute des gens qui l'ont deviné en cours de route, j'imagine. Donc, c'est sûr que par rapport à toi, en termes de coaching que tu peux offrir aux gens, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça? Oui, mais dans le fond, si vous êtes dans la région de Québec ou dans la province de Québec, c'est évident qu'on peut travailler beaucoup plus facilement ensemble. Mais s'il y a des gens de la France qui sont intéressés à écrivez-moi pas là, si vous voulez avoir un plan alimentaire puis des programmes d'entraînement, ça m'intéresse pas ça. Okay? Si vous voulez avoir des consultations par Skype ou bien par téléphone, pour être capable de vous dépolluer là, votre mental de des limites, puis de vous donner peut-être un peu plus d'énergie, vous dynamiser, vous mettre en action. Ça va me faire plaisir. Puis si ça doit passer à travers l'exercice ou le relationnel ou n'importe quelle sphère de votre vie, ça change rien. Je suis capable de travailler avec n'importe quoi. Mais tant que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est intéressé, puis qui a beaucoup de, il y a déjà beaucoup d'énergie, mais il sait pas, il manque d'outils. C'est vraiment ces personnes-là que je peux aider le mieux. Des gens qui ont déjà un certain mouvement de l'avant, qui sont déjà en train de construire quelque chose, mais qui il y aurait peut-être besoin de savoir un peu plus de choses, avoir plus de précision, qui ont des questions par rapport à des formes dans leur vie qui les nuisent ou qui de comprendre qu'est-ce qui est en arrière de leurs limites, puis d'avoir des outils aussi concrets que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours pour dépasser ces limites-là de façon très graduelle. Ben ça va me faire plaisir de pouvoir aider les gens à ce niveau-là. Et de mon côté, ça me fait plaisir de mettre tes coordonnées en bas de l'enregistrement présent, donc tes coordonnées pour que les gens qui sont intéressés à entrer en contact avec toi puissent le faire. Donc, Parfait. c'est ce qui va conclure. Donc, je te remercie pour ta disponibilité et ta participation à cet entretien. Fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.